Indestar présente l'émission à la maison. Jusqu'à 23h, sujet, débat, jeu et encore beaucoup plus. On passe la soirée ensemble sur Indestar. Merci d'avoir choisi Indestar.fr pour passer votre soirée. Et si vous ne l'avez pas choisi, qu'on vous y a obligé, bah, vous êtes là, les bienvenus quand même. Dans cette émission à la maison de début de semaine, ça y est, le week-end est terminé, une nouvelle semaine commence. Et là, vous vous dites, ah, le travail, il faut reprendre le travail. Et ça va me pourrir ma semaine, mais pas forcément. Parce qu'en plus, ce soir, là, jusqu'à minimum 23h, on va vous donner quelques conseils pour être bien, pour être détendu. On va faire une émission spéciale bien-être avec Teddy qui est en studio et prêt. Salut. À nous en mettre plein la vue, n'est-ce pas Teddy? Oui, plein la vue ou plein la peau. Plein les oreilles, grâce plein au son qui va lancer ce soir. Ah oui, aussi, ouais, oui. Exactement. Effectivement. Il y a Linda aussi qui est notre maman spécialiste du bien-être. Oui, oui, on va vous parler de plein de choses. Salut, salut, on va parler de bien manger surtout. Ah, de bien manger, c'est important de bien manger. Et d'ailleurs, j'aurai un sujet, j'ai noté mon sujet, mieux manger, c'est la clé. C'est marrant que ça soit quand même Yann, Théo qui nous dit ça. Et pourquoi? Parce que tu trouves que je mange mal? T'as mangé quoi ce soir? Des flageolets. En boîte. Ça va être sympa. C'est mal de manger des flageolets? Je sais pas. Disons que les boîtes de conserve, c'est pas... accompagné. Ouais, c'est... Ah, je sais pas. Non, mais bon, ça va. On va dire que c'est quand même rigolo. C'est quand t'as fait quoi ce week-end? Qu'est-ce que... Ah, de la purée de patates douces avec des pancakes. C'est pas mal ça. Mmh, ah, pas ensemble. Les deux mélangés quand même. Non, pas les deux mélangés. J'ai pas osé. Je pourrais, dans un prochain, c'est comme mes hamburgers avec de la purée à l'intérieur. Mais non, fois, les expériences what the fuck de Théo. Oui, ne me suivez pas tous mes conseils cuisine non plus. Hein. Voilà, je teste des choses. J'aime bien tester des choses. Mais là, je me suis rabattu sur des choses quand même finalement assez conventionnelles. Comment va Audrey? Ça va bien. Écoute, je suis extrêmement détendue pour cette soirée bien-être parce que j'ai passé un excellent week-end. Donc, week-end détente à la capitale. Oh là là, c'était si bien. On peut vraiment se détendre là-bas? Ouais. Ben, bonjour, j'étais pas à Paris, j'étais à côté de Paris. J'étais chez une de mes meilleures amies avec des très bons copains. Et on a mangé, joué, parlé, un peu dormi, mangé. Sans oublier, on a mangé aussi. Mm-hmm. Ah, d'accord. Voilà, c'était globalement un meilleur week-end. Ma foi. Qu'est-ce que tu as fait, Linda, ce week-end? Ben moi en famille, hein. Tu sais, la routine, tranquillement. Ben moi j'ai fait des gaufres ce week-end. Ah, alors des pancakes pour l'un, des gaufres pour l'autre. Qui a fait des crêpes cette semaine pour la chandeleur? Moi, ah, nous on en a fait ce week-end aussi. Pour ah ouais. Mm-hmm. Ah, c'est la période, hein. Enfin, tu vas me dire la période, non, parce qu'on peut faire des crêpes partout dans l'année, hein, à n'importe quel moment, mais à la chandeleur, on fait facilement, plus facilement des crêpes, parce que voilà, il y a un jour comme ça. Donc Linda, bon petit week-end aussi. Et Jolan, comment vas-tu? Bien. Oui, d'accord. Ouais, ça a l'air. Hein. J'ai cru que t'allais enrayer sur oui, parce que moi j'ai déménagé ce week-end, tu vois. Non, mais je vais bien et un peu fatigué parce que, ouais, du coup, à cause du déménagement, mais sinon ça va. Oui, t'as pas fait des gaufres, toi? T'as pas fait des crêpes? Ah non, des par contre, j'ai mangé des crêpes dimanche soir parce que c'est la routine chez mes parents donc. Ouais, oui. Tu t'es fait inviter à manger des crêpes. Exactement. Ah, ça, c'est le bon plan. Ça. Et explique-nous le coût de ce déménagement parce qu'on veut tout savoir sur Indestar. Je pense que vous êtes tous curieux de savoir pourquoi Jolan a déménagé. Alors, le coût de ce déménagement, alors le pourquoi du comment, c'est déjà que je voulais un logement avec une terrasse depuis à peu près un an et qu'il était occupé, malheureusement, que je pouvais pas l'occuper tout de suite. Et il s'avérait que j'ai eu l'occasion de tuer le proprio. Non, du tout. Ah non, c'est en fait c'est la dame partait dans la semaine. Du coup, le transfert s'est fait assez rapidement, l'état des lieux aussi, donc ça s'est fait très très vite l'installation. Et, donc, et parce que en fait ça s'est déclenché parce que t'avais fait chier ta voisine avec du bruit et du coup. Bah, entre autres parce que j'avais invité Théo et les collègues d'Actu Solide à manger et elle était venue râler la madame aussi donc. voilà, elle a pas apprécié parce que Théo parlait trop fort. Bien sûr, c'est de ma faute. Alors, en fait, je suis responsable. Non mais c'est cool parce que je suis responsable. J'ai fait obtenir à Jolan son appartement de rêve. C'est grâce à moi. De rêve. Et alors, est-ce que t'es mieux ou pas? Est-ce que t'es bien? Est-ce que t'es mieux? Ouais. C'est beaucoup plus calme, mais ouais, je suis beaucoup. Tu peux mettre la musique à fond là? Ouais. Est-ce que tu peux mettre la musique à fond dans ton... J'ai quand même des voisins, mais je peux la mettre à fond, mais oui, pas le soir quoi. Un petit coucou à la voisine si elle nous écoute, hein, on sait jamais. À moins qu'elle soit en train de réviser ses partiels parce que c'est très très important, même le lundi midi. Oui. Après, chacun a à faire ce qu'il a à faire. Et Teddy, ton week-end? Oh bah écoute, il était plutôt bien. Il y a quand même de bonnes nouvelles qui découlent de ce week-end. Ah ah. Alors attends, qu'on rappelle, parce que ceux qui étaient là, genre l'année dernière ou même dans ces émissions à la maison, vous savez sûrement que Teddy de profession c'est un boulanger. Boulanger, pâtissier. Parce qu'il voilà, il en parle à chaque émission pour un sujet ou pour un autre. Il s'est même fait un petit générique. Ben oui. Oui. Vous voulez écouter mon jingle? Vas-y. Allez, fais péter jingle Teddy. Boulangerie, pâtisserie, petit gâteau à tout moment des temps. Et on fait une petite dédicace à Ultra Vomit, cœur avec les doigts. Évidemment. Vous aime, les gars, vous êtes les plus forts. S'ils n'avaient pas fait cette musique, il aurait fallu l'inventer. Jingle. De boulangerie, oui. Pâtisserie, entre autres, donc, et de je collectionne les canards vivants et des vieux métal qui sont les préférés. Voilà. Et donc Teddy adore la pâtisserie et la boulangerie, et ça te manquait, et là tu as retrouvé quelque chose. Exactement, j'ai eu une offre d'emploi récemment de boulangerie pâtisserie dans un intermarché. Et bah, c'était pas gagné hein, quand même, mine de rien. Au début c'était partant, je devais avoir le poste direct, pas d'entretien d'embauche et tout ça. Et le gars il a reçu que... Enfin, c'est un ange descendu des cieux, un gars qui a fait une candidature spontanée à son inter. C'était le seul gars qui a fait ça en fait. Il avait pas d'autres candidats, donc il a décidé de le recevoir et de peut-être l'embaucher lui directement. Moi, il me connaissait pas, il m'avait pas vu encore, donc voilà. Oui, mais l'agence, c'était par une agence d'intérim. Mais l'agence, elle a insisté pour quand même qu'il me rencontre et tout. Et ben, elle a bien fait parce que, bah, apparemment, il m'a kiffé. Hein. En plus, il vient de ton patelin, Théo. Il vient de Saint-Ouen-les-Vignes. Attention, mais... c'est perdu dans le centre de France, mais ça existe, oui. Exactement, et comme j'ai travaillé là-bas en tant que boulanger pendant 4-5, je sais plus, un certain nombre d'années, et ben ouais, on a fait un petit rapprochement, puis bah ça a dû lui plaire beaucoup, hein, parce que j'ai fait forte impression. Attends, quand tu dis on a fait un petit rapprochement, c'est-à-dire... Ben, bah, on a parlé de Saint-Ouen, on a parlé de Boulange, on a parlé du château de Saint-Ouen. Bah ouais, voilà, ça. Donc, il n'y a rien de physique. Non, rien de physique, évidemment. Non, certes, non. Je sais pas, je demande, on sait jamais. Des fois que... les fantasmes de Théo avec la farine, tout ça. Ah, mais la farine. Mais ça, j'ai fait, ça, par contre. Bon, ça sera dans un autre épisode. Coché sur la liste. Ça sera sur un autre. C'est une mauvaise chose d'embrayer sur ce sujet. Ah, bah, tu cherches la merde, tu la trouves, hein, clairement. Alors, on en parlera dans une autre émission, ça, mais. Oui. Le final, c'est que demain, je commence à 5h. Boulot. D'accord. Pouf, voilà. C'est cool. Et ben bravo. Bravo monsieur. Et donc c'est un contrat de quoi, de 8 mois, c'est ça? C'est ça, un CDD de remplacement d'une personne qui est en congé maternité. Mmh. Ouais, pour les fans hardcore de Teddy qui voudraient un autographe et le rencontrer dans la vraie vie, contactez-nous sur les réseaux sociaux, on vous passera l'adresse de l'Intermarché. Ouais, je peux même faire plein de choses. Un petit coup en live. Ouais. Je peux faire d'autres choses. C'est pour aller voir sur notre Instagram ou notre page Facebook. Ah ouais. Ah bah oui, bien sûr. Ah ouais, c'est vrai. Non mais c'est un très bon moyen d'inciter les gens à aller sur les réseaux sociaux. Tu leur promets un Teddy quoi? Non mais c'est quoi ce... Une rencontre en VIP avec Teddy, c'est pas t'es beau bon ça? Teddy, t'es un petit peu notre égérie. Non, c'est notre égérie. Je suis le gars qui galère tout le temps à trouver des jobs et du coup on suit mon évolution tout au long de la radio. Ben oui. À la fin je sais pas ce que comment j'ai fini. Galère, c'est qu'en fait c'est très volatile comme la farine. Ouais c'est ça. Je suis de la farine en fait. À force d'être boulanger. La farine 65 ou 85? Exactement, ouais, mais 85 on l'utilise pas beaucoup, c'est plus 45-65. Fais attention à ce que tu dis. Ah oui, pour le pain blanc. Pour le pain blanc. Exactement. Tu connais bien hein, la farine, Théo. Bah attention, j'ai fait du pain à la maison. Une fois. Non, j'ai une machine à pain, mais j'avoue qu'elle sert pas, qu'elle sert pas souvent. Ouais. Voilà. Par contre, Linda, je sais qu'elle fait du pain chez elle. Oui, j'adore ça. Ouais. J'ai souvent avec une machine à pain ou un pétrin je fais un peu avec tout en fait. J'aime bien faire un peu de tout. Ouais. Mais Teddy, il va falloir qu'il me donne un petit peu des astuces. Quand parce que je suis pas parfait. Alors sachez-le, si quand le confinement couvre-feu Covid, tout ça c'est fini, je peux venir chez vous faire du pain. Oh là là, et c'est mieux qu'une émission de radio mais en oui. live ou qu'un. C'est un cours particulier. Un cours particulier de boulanger avec Teddy, non mais là tu nous vendurais. Ah bah ouais, on va l'offrir en tant que cadeau à la radio, tu vois. Oh, ça tu as gagné un cours. Une vidéo au pire, on se fera ça. Peut-être. Et pourquoi pas, on pourrait faire quelque Soyons chose. On vient chez vous pour faire du pain. C'est un nouveau concept, hein, ça s'est jamais fait, je pense. Mais c'est, c'est assez original. On va parler d'un tout autre sujet ce soir, et notamment avec Audrey dans un instant, puisqu'on va parler de la danse, parce que la danse peut faire du bien. C'est comme manger Exactement. Du pain. Exactement, c'est une partie de... des choses qui font du bien. Exactement. Et la musique aussi fait du bien aux oreilles, en tout cas. Romain Huguetto, Viva la Vida, c'est une reprise de Coldplay. Et c'est ce qu'on écoute maintenant sur Indestar pour lundi soir. Jusqu'à 23h, l'émission à la maison, c'est sur Indestar. Pourquoi, quand il y a Viva la Vida, on a envie de chanter des ou à la fin? Eh ben, je ne sais pas. Mais parce que peut-être parce que cette musique nous entraîne, et cette magnifique reprise de Romain Huguetto à l'instant sur Indestar. En ce début de semaine, 21h-23h, c'est votre émission à la maison. Et ce soir, on se fait plaisir, c'est l'émission Bien-être. Donc on va prendre tout un tas de techniques pour être mieux dans son corps, mieux dans sa peau. Ça me rappelle le Chico, tu sais. T'es bien dans ton corps, t'es bien dans ta peau, c'est bien, c'est l'anniversaire de mon vélo. Bref, et... Je le connaissais pas, ce type. Je sais pas. Ah là là, Théo, retour dans les années très lointaines. Est-ce qu'on aurait pas perdu Théo? Je crois, c'est possible. En fait, ça a coupé. On a dit Théo, il vient des années très lointaines, et là, pouf, plus rien. Il est reparti dans le passé. Il est reparti dans le passé. Oh non, on est arrivé dans la faille temporelle. C'est marrant, il y a 10 minutes, il disait qu'on avait pas de soucis techniques. Et ben voilà. Il a été mauvaise langue. Sans problème technique, ça n'a pas d'intérêt. Dans tous les cas, c'est pas très grave. Parce que sans Théo, on peut être à l'heure. Audrey, c'est à toi de nous parler. Est-ce que ça fait partie du bien-être de finir à l'heure une émission de radio? Peut-être. Voilà. Et qu'est-ce qui fait partie notion, de bien-être? Qu'est-ce que c'est la notion de bien-être? La notion de bien-être, ça renvoie au sens commun ou un ensemble de facteurs considérés de façon séparée ou conjointe. La santé, la réussite sociale, économique, le plaisir, la réalisation de soi, l'harmonie avec soi-même et avec les autres. Ça, c'est la définition Wikipédia du bien-être. Si. Bah écoute, il faut bien une définition pour commencer. Oui. Et donc, pour avoir du bien-être... De la danse par hasard? Mais bien sûr que si. Pour avoir du bien-être, on peut entrer dans tout un tas d'activités, s'autoriser tout un tas d'activités, comme par exemple la cuisine, ou le chant, ou encore la danse. Moi je bouge beaucoup, j'aime beaucoup travailler avec mon corps, et avoir beaucoup de sport ou de choses comme ça. Et la danse, c'est vraiment une activité cruciale pour moi, ça me manque terriblement. J'ai et pendant le premier confinement, par exemple sur Instagram, il y avait une professionnelle, enfin une love coach, Nina Luca, si vous ne connaissez pas, je vous invite à suivre sa page qui est absolument hyper intéressante, qui proposait des self-love dance, dans des morning boosts. Donc tous les matins à 8h30, elle se connectait et elle mettait de la musique. Et on pouvait danser ensemble via l'application. Et genre, pour moi, c'est le bien-être ultime. Ne passe pas une journée sans que je danse, sans mettre de la musique. Alors, se filmer ou pas, envoyer ça à des copains ou pas, faire décorer avec des copains ou pas, rigolote. C'est marrant, t'as jamais vu danser à la radio. C'est marrant ça. Bah, c'est parce que tu m'as pas vu danser à la radio. Il y a de la musique et tout. Oui. Bah, bien sûr que si. Genre, c'est que j'ai pas dû à faire assez d'émissions. Genre, malheureusement, je suis arrivée assez tard avec El Todo, El Confinamiento et Tutti et Quantetti. Ouais, c'est vrai. Je danse tout le temps. C'est tout le temps. Alors, tu nous feras voir ça là, bientôt, là, dès qu'on rouvre, tu nous fais voir ça. J'ai pas de notion de performance, c'est vraiment genre pour tu être. Bouges, quoi. Et c'est quoi comme style de danse que tu apprends? Parce que nous as parlé de self-love dance, je sais pas ce que c'est. J'ai pas eu encore la chance d'avoir des cours de danse puisque MDR, je voulais m'inscrire MDR Covid. Ouais, ah. Logique. Mais depuis toujours, je danse beaucoup. J'allais beaucoup en soirée, en boîte de nuit. Ouais. Et j'ai une amie qui fait du modern jazz. Et qui m'apprend des pas, et j'aime beaucoup la danse contemporaine aussi. Alors certains diront que c'est pas de la danse, mais peu importe, j'ai envie de dire. Ça porte le nom danse contemporaine, donc. Le Madison, c'est de la danse aussi. La danse contemporaine, c'est l'expression du corps. La danse contemporaine, on se fout beaucoup de la gueule de cette danse dans les pièces de théâtre modernes, par exemple, où les gens se roulent par terre et font des trucs chelous. Et... Ah oui, c'est un peu chelou. Ouais, oui, je vois le type de danse. Ah, il faut capter en fait l'émotion qu'ils veulent apporter dans cette danse, quoi, à chaque fois. C'est ça, exactement. Mais peu importe le nom que tu y mets, genre, si tu fais du Madison, c'est de la danse aussi. Et ouais, voilà, on s'en fiche. L'important, c'est d'éprouver du plaisir dans ce que tu fais et ne pas avoir peur de bouger son corps et d'être, de se libérer, quoi, intérieurement. Et c'est pour ça que danser chez soi, c'est très bien aussi. Genre, il n'y a pas besoin d'avoir un public immense. Moi, j'ai mon chat et ça me va très bien. Et donc, tu ressens quelque chose quand tu danses, en fait, tu te dis. Oui, non, mais moi, c'est la liberdad. Genre, c'est la liberté complète. Je danse tout le temps. Même en faisant mes courses, j'arrête pas de me dandiner. En voiture et... En voiture, j'adore ça. Oh, en voiture, j'ai les gens qui doivent se marrer en te voyant, en fait. Bah tant mieux, si ça leur apporte de la joie, moi ça me fait plaisir. Oui. Moi, en tout cas, je vis ma meilleure vie. Et c'est quoi j'ai mes playlists. Le fameux c'est self love dance que tu de que. Ah, le morning boost, ouais. Ouais. Bah en gros, c'est ça, genre c'est tout est dit dans le nom, donc c'est en anglais, donc c'est danser pour toi-même. Danser pour l'amour de soi-même, genre. D'accord. C'est donc tu mets une chanson que tu aimes. Ouais. Peu importe ce que c'est, on s'en fiche. Douce, énergique, même boulangerie, pâtisserie d'ultra vomit, pourquoi pas. Et tu bouges ton corps. Et, alors, faut pas se dire, ah oui, mais moi, je sais pas danser, je connais pas de pas. On s'en fout. T'es en fait, tout seul problème, chez toi. Hein. Mais j'aime bien l'idée, en fait, parce que tu te laisses aller, en fait. Mais c'est ça, t'es tout seul chez toi, tu t'enfermes dans ta chambre. Si t'as peur de tes voisins, tu fermes les volets. Et voilà, genre... C'est un moment avec toi-même, comme il y a certaines personnes qui adorent se maquiller ou cuisiner ou jouer à des jeux vidéo. C'est une manière de lâcher prise, entre autres. Ah, complètement. C'est une idée de se changer de l'esprit et de s'offrir un moment à soi-même, en fait. C'est ça, l'idée. D'accord. Être avec un petit chat, par exemple. Très mignon. Et est-ce qu'il danse, le chat, avec toi? Alors, le chat me juge, surtout. Ah, oui. Le chat, il me regarde en regardant. Mais qu'est-ce qui est fou? Ma maîtresse a encore pété un câble, elle me saoule. Maintenant, il est habitué, hein. Il est juste blasé, il relève même pas la tête. Hein. Mais au début, il me regardait en mode, mais ma maîtresse est en train de complètement péter un câble, appelez la police. Elle devient folle. Elle devient tarée. Elle pousse les murs et tout, elle pousse les tables, ça va plus. Elle fait une crise d'épilepsie, appelez les pompiers. Maintenant, il est blasé, il s'en fout. Moi, ouais. Je t'avoue que c'est pas la première chose à laquelle je penserais, la danse, mais moi, ce que j'aime bien regarder, c'est les chorégraphies de breakdance. Je trouve ça super impressionnant. C'est incroyable. Hein. Ouais. La coordination et tout, la danse de rue. La musculature des gars, genre des nanas, enfin des personnes qui dansent. C'est des athlètes, les mecs. Incroyable. Je pensais pas. C'est vrai que, enfin, moi personnellement, la danse professionnelle et les chorégraphies que les gens peuvent faire, moi ça m'impressionne. Hein, la fluidité des mouvements. Ouais, je pensais pas. Les choses en groupe, des fois aussi, des chorégraphies en groupe, etc. C'est assez impressionnant. Je pensais pas. La natation synchronisée. Je pensais pas que Jolan allait dire breakdance. Je pensais qu'il allait dire TikTok. Parce que c'est vrai qu'au final, je regarde beaucoup de gens faire des vidéos TikTok et l'une des bases des vidéos TikTok, c'est. C'est de la danse. Ouais, clairement. Oui, tu bouges ton corps. Ça doit être de la danse contemporaine, comme tu l'as dit. En gros, ils bougent et ils transmettent quelque chose. Je suis pas sûr qu'il y a un style particulier, mais. Ils essaient de raconter une histoire avec des mouvements. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, je vois ça comme danse contemporaine. On s'en fout. Appelle ça de l'expression corporelle. Oui. Ça engage plein de trucs. Y a pas de souci. Et non, franchement, moi, mon moment de bien-être, c'est la danse. Et il n'y a pas une journée qui se passe sans danser, parce que sinon, ça va pas bien. Tu danses sur quel type de musique, généralement? Tout, en vrai. Je me tape des barres sur n'importe quelle musique, donc clairement, il suffit que j'ai... Mais ça dépend du mood. Et des fois, par exemple, quand je suis triste ou en colère, je danse aussi, genre c'est un moyen de m'exprimer. Ça et Hurler dans la forêt, mes deux kiffs intégraux. Par contre, c'est ça, le problème, parce que dans l'appartement, les voisins, il n'y a pas que le chat qui prend pour une tarée. Ils prennent pour une tarée, quoi. Ouais, ça ils appellent les flics. Mais du coup, tu danses en rythme et tout, ou tu t'en fous, tu fais n'importe quoi? Ça dépend. Ça dépend vraiment. Genre, ça dépend de ce que je veux faire. Ouais. Je me filme, j'envoie à des copains, copines des fois. Des fois, je danse pour eux, comme je leur écris des histoires. Enfin, bref, ça dépend en vrai. Genre, ça s'exprime et c'est tout. Exactement. Ouais. Exactement. C'est plutôt bon comme vision. Je cuisine en dansant. Ça fait deux choses. Hein. Ouais, ça fait deux choses. Non, mais enfin, un moment, tu bouges ton popotin, on s'en fout. Danser, c'est pas forcément. Genre, faut pas se mettre en tête que ça soit une chorégraphie et faire le lac des signes. Bouger le corps, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Non, c'est t'imagines en train de cuisiner quelque chose de dangereux avec de l'huile et là, hop, Macarena. Ah, hop là, dans la gueule. C'est pas difficile à faire sans la poêle. Oui. Mais du coup, ouais. Non, mais c'est histoire de... Ouais, c'est ça, de lâcher prise, de se taper des barres, d'être... Tu peux danser sur tout et n'importe quoi, on s'en fout du moment que c'est la musique qui te plaît. Faut oser lâcher ton corps. C'est pour ça que j'aimais beaucoup les Morning Boost, parce que... Elle fait... Nina Luca, elle a fait des formations de danse, elle est semi-professionnelle. Et donc, au début, elle te fait toute une partie échauffement où tu gigotes dans tous les sens. Ça s'appelle du shaking, où tu trembles, en fait. Genre, tu secoues tes mains, tes épaules, tes pieds, tes... On s'en fout, c'est juste pour te dégourdir. Vraiment comme une enfant de 5 ans qui secoue tout son corps dans la cour de récré. Et donc, tu te dégourdis en faisant du shaking pendant un petit quart d'heure. Puis après, tu laisses la musique te porter. Et, un quart d'heure de crise d'épilepsie pour commencer. Ouais, c'est ça, exactement. Ça dégourdit super bien. Mais ouais, ça te permet de t'activer tous tes muscles. Mmh. Et ça fait hyper du bien. Genre. Et on s'en fout, personne te juge. T'es chez toi. Qu'est-ce qu'on en a moi, quand venant, je sens que j'ai pas le rythme et ça m'agace. Je préfère chanter, tu vois. Je suis mieux mais en chant quand c'est pas. Ouais, ou chanter, si ouais. C'était le chant. Ouais, alors Théo, s'il chante, c'est dommage. Ouais. La pluie arrive. Je devrais plus danser. Pourquoi dis-tu ça? Je fais très bien, c'est décès. Parce que je t'ai déjà entendu chanter. C'est ça mon grand malheur. Et oui, il n'y a pas que toi. Malheureusement. Parce que. Assez décès en chantant. De mou, t'as tant vous m'avez déjà entendu chanter à la radio. Mais oui, il aurait que tu solides. De personnes. De moult tympans furent perdus. Mais le pire, c'est qu'on a même entendu Jolaine chanter aussi. Moi aussi, on m'a entendu chanter. Ah, dans le Suisse solide l'année dernière. Mais si, bien sûr. On faisait que ça, chanter. Tous les lundis soirs, on chantait. Ouais, c'est pas faux. Tous les lundis soirs, c'était notre séance de décontraction de la semaine. Ouais. Bien entamé la semaine, une petite dose d'actu solide. Qu'est-ce qu'on était mauvais, mais qu'est-ce que c'était marrant. Bah oui. Et bah voilà, on s'en fout. Le bien-être, c'est avoir du fun un petit moment chaque jour. Mm. C'est s'accorder du fun à soi-même, peu importe ce que vous faites. Si votre bien-être, c'est lire, danser, chanter, faire de la poterie, du macramé, du dessin, brosser un chat, peu importe. Brosser un chat. Bah écoute, si non, c'est la ronron-thérapie. Des exemples, ouais. Non, mais c'est... Bah ouais, ouais, bah. La ronron-thérapie. Je caresse mon chat, mais je l'ai jamais brossé. Tu l'as jamais brossé? Non. Ah. Mais peut-être qu'écouter la musique d'Innestar, c'est du bien-être. Ah, ça, c'est la transition. Ouais, c'est la transition de Teddy. Ça se sent, allez là. La décontraction de Teddy, c'est de faire des intros de titres. Des belles transitions. Oui. Dans un instant, on va mieux manger, c'est la clé, parce que c'est peut-être encore l'heure de manger chez vous. Et avant cela, on a un bootleg, c'est Bootleggers United avec Lemon Lullaby sur Indestar dans cette émission à la maison du lundi soir où on parle bien-être. 21h-23h, vivez le confinement avec nous sur Indestar. C'est l'émission à la maison. Ça, c'est une bonne musique pour danser dessus. Bienvenue sur Indestar. Bon lundi soir, les amis. Merci de nous avoir choisi ce soir Indestar.fr, tous les annuaires radio. Et puis cette émission qui sera à retrouver quand vous le voudrez en podcast sur une vingtaine de plateformes, applications en ligne. Faites-vous plaisir. Et d'ailleurs, c'est le thème de la soirée. On se fait plaisir avec le bien-être. Et le bien-être, ça passe aussi par la nourriture. J'ai intitulé ce sujet Mieux manger, c'est la clé. Parce que je suis désolé, j'avais que ça. Hein. Alors, non, oui, parce que pour aller bien. Il faut bien manger et bien manger c'est un subtil mélange en fait entre manger sainement, entre se faire plaisir et les varier justement ces plaisirs. Donc je vous ai réparti ça dans des catégories. Ouais. Après c'est comme une playlist radio, hein, c'est-à-dire qu'on fait des rotations, on ajuste, on contrôle. Pour le coup c'est la prise de poids et pour le coup et comment notre corps ressent ça. Hein, parce qu'il doit être content, mais ça doit pas être la fête du slip non plus. Parce qu'il faut que ça dure sur le long terme. Il faut pas qu'on soit dire ah bah on se fait très plaisir et puis finalement bah après on a pris du poids et on peut plus se mouvoir. Après le bien-être n'est plus là. Donc petit disclaimer avant de commencer, j'ai pas prévu. Je suis désolé pour les régimes particuliers. Donc en gros j'ai rien pour les VG. T'as vu, je parle en verlan, Jolan. J'ai rien pour les VG, les végétariens. On a rien contre les végétariens, contre les végétariens. J'avais compris l'idée. Hein. Ouais, non, c'était pour ceux qui n'avaient pas compris. On sait jamais. Tu sais, quand on explique une blague, Théo, c'est qu'elle est mauvaise. C'est déjà à moitié raté. Ou alors qu'on est avec un milieu qui comprend pas forcément les subtilités de la blague, tu vois. Aussi. Team premier degré. Exactement, mais bon, en tout cas si vous êtes végétarien, je pense que vous trouverez des substituts. Donc pour se sentir mieux, on peut manger de la dinde, on peut manger des œufs, des protéines, de la salade, du chou et en dessert des laitages, des bananes plantains et de l'ananas. Parce que ça nous aide à fabriquer ce qu'on appelle de la sérotonine, qui est une hormone aux vertus apaisantes. Donc en fait, je me suis un petit peu renseigné sur la chose. Elle représente 15% de ce qu'on a dans le corps, la sérotonine. Mais c'est elle qui est responsable de notre humeur et donc de notre bonheur. Par exemple, vous croisez Jean-Charles dans le couloir en allant travailler, il vous dit pas bonjour, et ben vous lui offrez un ananas. Du respect, hein, mais ça il c'est plus mieux. Rapidement en magasin. Mais si vous lui offrez un ananas, il aura une bonne dose de sérotonine et du coup, il sera plus gentil avec vous. En tout cas, et c'est... il te dira bonjour. Il dira bonjour. Je me promène pas avec un ananas dans la poche. Ah, par contre, on a Daniel. Salut Daniel. Salut tout le monde. Daniel, il est bien ce soir. Ah, t'es relâché. La sérotonine. T'as ouais. Une dose de sérotonine. Et ouais, j'ai mangé 3 ananas avant de vous rejoindre. Alors, faut faire attention hein, quand même. Il y a toute une question. J'ai commencé d'ailleurs mon sujet par ça, mais de dosage. Hein, c'est-à-dire que. Voilà, il faut. J'ai pas mangé 10 ananas. J'écouterai ton sujet avant la prochaine fois. Voilà, et tu vas l'écouter comment? Tu vas l'écouter en. Podcast, voilà. Comme ça, tu c'est vas bien en plus. Comme je suis tellement bien, il y a des gens qui répondent à ma place. Merci. D'accord. Ben, là, il est un peu bourré, mais. non, je suis bien. Il a dû prendre quelque chose de pas très net, je dirais. C'est pas de la farine qu'il a sniffé. Il y a pas de sérotonine dans le pinard. Hein. C'est de la farine sans vent. alors attention, parce que la sérotonine, justement, faut pas la confondre avec la dopamine. Vous avez peut-être entendu parler de la dopamine. En fait, la première, donc la sérotonine, elle est là pour que tu te dises que t'es bien au bureau avec tes 3000 courriers à trier. Et la deuxième, donc la dopamine, elle est là pour te pousser à envoyer les documents dans la tête de ton boss. Donc c'est pas exactement la même chose, tu vois. Il y en a une, c'est... Quelle violence. La dopamine, ouais. C'est plus, en gros, de l'adrénaline positive, en gros. Exactement, exactement. Alors, j'en reviens sur mes aliments qui aident à se sentir mieux. Il y a aussi tout ce qui est levure alimentaire, germe de blé, rognon, berk. Des lentilles aussi qui contiennent de ce qu'on appelle de la vitamine B6 et c'est elle qui contribue à la bonne humeur et à la détente, sauf que bon perso si je mange des rognons je suis pas sûr d'être très détendu, mais bon on s'en fout parce que on arrive à la catégorie se faire plaisir et là il y a le chocolat. Le chocolat. 2 carrés par jour, c'est obligatoire. Comment, Lina? 2 carrés par jour, c'est obligatoire, des 70%. Je crois que c'est une tablette de 1000 calories par jour. 2 tablettes par jour? Non, 2 carrés. Bah, moi, je viens de manger des petits gâteaux au chocolat, d'ailleurs, que j'ai fait hier, et c'était excellent. D'ailleurs. Mais évidemment, c'est toujours excellent. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'assemblée qui est pas très chocolat? Moi. Ah, ça existe. T'es pas très chocolat. Bah casse-toi. Ça existe. Barre-toi. Malheureusement pour eux, souvent ces gens-là sont très tristes dans leur vie. Non, mais c'est toujours. C'est tout bête, mais j'en ai trop mangé quand j'étais petit et ça m'a dit que ça m'écœurait maintenant. Ah alors que moi j'en ai trop mangé quand j'étais petit, j'en demande encore, hein, tu vois. C'est ça. Alors, moi chocolat... je continue à trop en manger aussi, hein, je suis comme toi. Hein. Bah ouais, chocolat c'est bon et en plus ça fait du bien parce que le chocolat ça déclenche lui aussi la fabrication de sérotonine. Donc voilà, pour le plaisir, il y a aussi tout ce qui est viande, tout ce qui est légumes verts, j'y reviendrai, tout ce qui est fromage fermenté et soja qui vont nous booster en dopamine. Alors j'ai décrit la dopamine tout à l'heure comme un truc d'hystérique, mais en vrai on en a besoin parce que c'est la vitamine du plaisir. Donc c'est-à-dire que non seulement t'es heureux, mais en plus tu prends ton pied. Donc voilà. Bon après faut pas abuser. C'est pour ça que un coup de voilà, tu manges de la viande, t'es bien. Si tu rajoutes à ça ta dose de légumes verts, ça va plus. Tu vois, ça serait trop. Tu vois. Et je dis pas ça parce que j'aime pas ça. Hein, vraiment. Hein. Non mais là je suis pas d'accord. Moi j'ai le droit de le dire que je suis pas d'accord. Vas-y, t'as le droit. C'est fini. Non, bien manger, c'est manger de tout varié. Voilà, oui. C'est ça le secret. Donc entre autres des légumes, Théo. Oui. Ouais. Oui. Alors manger de tout, mais pas en même temps d'après Théo. Alors. Oui. D'accord. Non mais c'est ça. Non mais parce que j'ai rentré ça dans la même catégorie, donc je me dis si tu manges de la viande, du fromage, t'as pas forcément besoin d'en rajouter en mangeant des légumes. Ça s'appelle une raclette. Ouais, alors c'est pas un rajout un légume. Non, c'est un complément. C'est pas pareil. C'est la base de la pyramide alimentaire. Mais voilà. Quoi? Bon. C'est la base de la pyramide alimentaire. Oui. Moi, ma base, elle est fragilisée, si tu veux. Il y a eu trop de Milka à un moment et ça a fragilisé la base. Sa pyramide à lui, elle est à l'envers, en fait. C'est exactement ça. Voilà. Ça prend moins de place. Je crains qu'on ait la même. Bon, sinon, tout ce qui nous donne de l'énergie aussi, c'est-à-dire les glucides qui sont En fait, comme le samplon 98, le samplon 95, du super, du gazole, du GPS, de l'électricité, de l'hydrogène et tout de carburant. Sauf que là, c'est pour l'homme. Parce que si vous mettez ça, tout ce que je viens de vous dire, dans notre corps humain, ça vous fera conduire directement à l'hôpital. Donc, on va se contenter là de pain, de céréales complètes, de fruits secs. Ça sera déjà pas mal. Et si à un moment, vous devez faire la course, eh ben, si c'était une voiture, on y mettrait de la nitro ou du NOS. Mais pour nous, en tant qu'être humain, il y a le café. Théo vit dans Rapide et Furieux. Et oui. Théo, pour savoir qu'il n'aime pas le café, donc il n'en boira jamais. Non, moi je ne bois pas de café, effectivement. Je pareil. Ne bois du café. Ouais, moi je ne bois pas. Je bois une cafetière par jour à peu près. Mais il ne faut pas en abuser. Ouais, faut avec pas en abuser. Avec l'appareil en plastique aussi. Hein? L'appareil en plastique, comment ça? Je sais pas, tu bois une cafetière. Bref. Ah non, mais non, mais. Oui, le contenu de la cafetière. Et Audrey, café? Pas du tout, du thé. Mais j'ai pas besoin de ça pour avoir de l'énergie. Non. Et Daniel? C'est quand même un accident. En fait, moi, c'est un autre problème. Je peux plus en boire vu que j'ai un problème au système nerveux suite à l'accident que j'ai eu. C'est bien, ouais, ça. Et bah, de toute façon, le café, c'est bien, mais avec modération. Tu vois, c'est comme la nitro dans une course. C'est-à-dire que là, si tu abuses de la nitro, tu casses la boîte de vitesse. Bah là, ça va pas non plus. L'estomac, comme référence, Rapide et Furieux. Oui, bah, j'arrête. Non, mais je voudrais arrêter avec mes références sur les voitures, mais là, tu vois, pour être plus optimiste dans la vie, on a besoin d'un modèle de chez Opel, qui est l'Oméga 3. Donc, je peux pas passer à côté, en fait, tu vois. Je peux vouloir un état C'est tout pour nous. Salut. Bon, ben, vous allez tout comprendre parce qu'en fait, il est au volant de son sujet. Donc, Et donc, l'Oméga 3, c'est trop beau, du coup. Ouais, et il est pas plus. L'Oméga 3. Oui. L'oméga 3, oui. C'est alors, trop beau du coup. L'oméga 3, c'est l'acide gras. Donc c'est efficace déjà contre la lassitude morale et le pessimisme. Alors il y a deux catégories, on va dire, d'oméga 3. Il y a les bons et les méchants. En fait, bon, c'est pas vraiment ça, mais il y a les végétales, comme l'huile de colza, la noix ou le soja. Donc là, c'est bof bof. Oh, ça va, hein, mais bon, c'est pas ouf. Et puis les meilleurs, c'est les marines, genre du maquereau, du hareng, du saumon, du thon. Voilà, tout ce que tu peux manger en tant que poisson. Voilà. Et sinon, j'ai recherché quand même, par curiosité, qui étaient ces petites sœurs, les oméga 1 et les oméga 2. Alors, l'oméga, c'est des montres suisses. Donc, je me dis que si t'as une montre, c'est que t'es à l'heure. Si t'es à l'heure, c'est que t'es plus zen. Donc, c'est bon aussi pour la santé. Et l'oméga 2, c'est l'organisme mixte de gestion agréée des GAV et de l'Audour. Donc, c'est un truc de comptabilité. Donc, si tes comptes sont bien gérés, t'as pas l'état qui risque de te liquider. Donc, t'es plus zen aussi. Voilà. Ouais, il vaut mieux qu'elle soit gérée que digérée parce que... Exactement. Et du coup, t'as quand même oublié un élément essentiel, il me semble. Non, j'ai pas fini. Pardon. Pour combattre le stress avec de la bouffe, il faut du magnésium. Est-ce que c'était ça, Linda? Oh, tout simplement, je pensais à l'eau déjà aussi, parce que c'est essentiel. Oui. Mais oui, mais le magnésium, le magnésium, c'est vital. Entre nous, c'est vital. Je sais pas. Oui, mais... et puis dans le magnésium, t'en as dans certaines eaux minérales. Oui. C'est ton micro a coupé, il en pouvait plus déjà. Ouais. Il a censuré ton micro en fait. Ok, donc il y a l'eau minérale, il y a le cacao, parce que encore une fois, le chocolat c'est franchement le meilleur truc au monde. Le soja, les amandes, les noisettes, les noix aussi qui peuvent. Ils peuvent faire double emploi les noix parce qu'ils peuvent aussi vous servir à vous lâcher sur votre copine en lui disant oh, tu me casses les noix! Et là, vous cassez vraiment les noix, double avantage. Oh, les jeux de noix, là. Il y a les pistaches aussi, tu peux dire. Les pistaches? Non, oui, les pistaches aussi. Vous remarquerez qu'il a lâché les voitures depuis 2 minutes. Hein. Oui, c'est vrai. On passait sur des blagues sexistes, alors bof, je sais pas si je préfère les voitures. Je préfère parler autant des voitures. Femme au volant, femme au volant. Femme au volant. Mais tu vois, comme quoi on peut mixer les deux hein, si on en a vraiment envie. Hein. Bon, j'arrête là, mon sujet est terminé. On va parler de relaxation et de sophrologie avec toi, Jolan, dans un instant. Ouais. Mais avant, on a une reprise de Linda X. Vous vous rappelez du carton que ça avait fait il y a 2 ans avec le tube de l'été Old Town Road, un mélange de country et de musique urbaine? Eh bien, c'est repris en version beaucoup plus pop rock par Space and Travel. Le voyage dans l'espace qui ne voyageait pas, c'est bizarre. Bref, on écoute Old Town Road, signé Space and Travel sur Indestar. Et 21h, c'est l'émission à la maison sur Indestar. Émission à la maison jusqu'à 23h minimum en ce début de semaine, c'est lundi soir, c'est relax. Parce que oui, c'est le sujet. Bien-être, relaxation et relaxation même sophrologie avec toi, Jolan, qui va nous en parler. Est-ce que tu pratiques la relaxation et la sophrologie? Je pratique les deux, moi. Depuis maintenant 2 ans. à peu près. D'accord. Et tu es venu ce soir pour nous en parler. Merci d'être là, Jolan. Oui, le chef des sophrologues anonymes, quoi. Alors, je suis pas sophrologue parce que c'est une formation et il y a un diplôme pour pour le devenir. Donc, c'est un métier à part. Tu es sophrologue à toi-même, finalement? Non, du tout. Mais il faut savoir que la sophrologie s'est imposée depuis 50 ans comme méthode anti-stress. Ouais. Genre, ça a été reconnu en fait. Ça a été reconnu par l'OMS, carrément par l'OMS, et puis c'est encore mieux que des traitements anti-stress, enfin des antidépresseurs, ce genre de choses. Ah, que des médicaments, ouais. Bon, après, des fois, c'est complémentaire parce que l'un n'empêche pas l'autre. C'est complémentaire. Par exemple, moi, je vais prendre mon cas. J'ai un trouble anxieux, du coup, et je fais énormément de sophrologie pour me détendre. Et ça m'aide vachement parce que sinon je me chuterais tout le temps aux médicaments et j'ai pas envie de passer pour un camé. C'est surtout que les médicaments avec tous les bienfaits que ça peut faire, mais c'est bien, mais il y a des effets secondaires, ouais. Super top, quoi. Voilà. Alors du coup, ouais, il faut savoir que en France, depuis la crise du Covid, malheureusement, beaucoup de Français et des jeunes surtout sont en dépression. Je sais pas si on a entendu parler. Bah, ça semble être effectivement, malheureusement, un petit peu la logique des choses. C'est-à-dire qu'on est enfermé chez nous, on a moins de contact humain, donc forcément on psychote un peu plus et à un moment donné on devient c'est des limites de la paranoïa, quoi, un peu. Bah, on a en tous les cas des troubles anxieux, donc je pense son sujet tombe parfaitement bien parce que du coup faut savoir que depuis le confinement il y a 11 millions de Français qui pratiquent la sophrologie, donc j'ai trouvé le chiffre assez conséquent. À 11 millions sur à peu près 65 millions de consommateurs, ouais, ça fait beaucoup. Ouais, ça fait beaucoup. Hein. Et en plus, la sophrologie, ça amène beaucoup de positivité, je vais y arriver, dans la vie de tous les jours. Donc, il faut avoir un rythme, ça peut durer entre 10 minutes et 1 heure, ça dépend selon le rythme que l'on s'impose. Et c'est surtout des exercices de relaxation, de gestuelle avec le corps aussi, un peu comme le yoga, si je puis dire. Moi, j'ai jamais pratiqué le yoga, on m'a conseillé, mais ça me tente pas trop. Parce que déjà, je suis pas très souple pour commencer. Mais t'as pas besoin de souplesse pour du yoga. Ah ouais? Non. Bah écoute, vous voyez le yoga extrême qu'on montre sur les réseaux sociaux. Les yoga challenge. Les personnes sont pliées en deux, mais le yoga que tu pratiques tranquille à la maison, moi j'en fais tous les matins et j'ai pas besoin d'être pliée en deux comme ça se voit dans les trucs les plus extrêmes. Enfin, c'est comme le truc de la danse, genre on n'est pas tous chorégraphes, on n'est pas tous Kamel Wally. Enfin, c'est pas pour autant que tu danses pas. Disons yoga, bien, c'est pas lentement, je pense. C'est-à-dire que complètement. C'est pas une question de. Le yoga, c'est pas une question de souplesse, c'est une question de respiration. C'est une question de respiration surtout. C'est du travail sur la respiration, donc c'est un peu comme la sophro. Bah, du coup, aussi, la sophrologie rejoint ce que tu disais, Audrey, c'est un exercice de respiration, donc ça demande quand même un peu d'entraînement et de temps. Parce que pour moi, pas oublier de respirer. Oui, aussi. Non, mais quelle est ta respiration? Non, 45 minutes. Je plaisante. J'ai mis beaucoup de temps à apprendre parce que j'arrivais pas à me détendre. Donc, et ça me stressait d'écouter ma respiration. C'est un truc qui me. Ah oui, j'avoue que moi, quand j'écoute ma respiration, après, je respire plus normalement, en fait. Voilà, c'est assez perturbant au début, tu vois. Concrètement, comment ça se passe un exercice de sophro? Concrètement, déjà, il faut se mettre dans l'ambiance, concrètement, parce que si t'es pas dedans, bah, tu vas pas y arriver. Tu te mets une musique, donc t'es même pas obligé de te mettre une musique, mais tu peux, par exemple, déjà te mettre dans un coin calme, mettre des bougies parfumées, si t'en as, ou de l'encens, ça marche aussi. Et puis, moi, ce que je fais, bon, vous allez rigoler, mais je mets de l'encens et de la musique tibétaine quand je fais de la sophrologie. Ah, bah, en même temps, ça va bien, ouais. Donc, du coup, je voyage un peu, entre autres, tu vois, ça fait énormément du bien sur l'esprit parce que ça permet de mieux dormir le soir pour ceux qui ont des problèmes de sommeil. Est-ce que t'arrives à décoller? Non, il est connu pour l'instant. Mais du coup, ouais, la sophrologie apporte que du bien et, voilà ce que je peux vous dire à peu près. Mais tu nous as pas dit ce que tu faisais à part mettre de la musique et de l'encens? Oui, parce que. Oui, là, on attend. Alors, pardon. Donc, oui, t'es obligé de t'installer d'une certaine façon? T'es obligé non, de. Non, pas forcément. Tant que t'es à l'aise, t'es pas forcément obligé d'installer d'une certaine façon. Moi, je suis installé en. Je m'assois en tailleur, mais après, il y a. Tu peux le faire allonger, tu peux le faire. Oui, voilà, c'est ça. Et du moment mais en tailleur, ça fait plus moins de tibétain. Clairement. Peu, ouais. Il fait le total cliché, quoi. et après, une fois que t'es en tailleur, tu fais quoi? Mais du coup, après, tu respires. Déjà, t'essayes de te détendre. Bah, ouais. faut que tu respires, ouais. Et t'essayes de te détendre au maximum. Et après, tu commences les exercices de relaxation. C'est enfin, tu te vides la tête, je comprends pas. Tu vides un peu l'esprit. Faut pas tout vider non plus. Attends. Non, mais tu chasses les mauvaises pensées, tu vois. T'essayes de penser positif et de passer une bonne silence. Ça ressemble un peu à la méditation, quand même. Ouais, oui, c'est de la méditation. Ça rejoint la méditation. Ouais. Mais tu arrives à faire la méditation, c'est un problème. Enfin, faut se canaliser soi-même. Alors que là, la sophro, ça te donne des tips pour t'aider à te canaliser. Genre, si tu trouves que la méditation c'est chiant, la sophro, ça te donne des tips pour te rendre ça plus fun. Mmh. Ah, d'accord. Oui, parce que tu te fais un schéma quand même. Parce que c'est pas sexy la méditation. Je me fais un schéma. Moi, je me. Comment expliquer? Par exemple, l'idée de se dire tiens là mes paupières sont mes lourdes. Paupières se détendent, bon, les rides se détendent à mon visage, ce genre de choses. C'est pas comme ça dans l'idée, mais c'est un peu extrême. Hein, mais genre tu dis on est bien, on se détend. Enfin, il faut vraiment s'auto-rassurer si je puis dire, mais. Après, tu peux, en parlant de voyage, genre par exemple, l'exemple de séance de sophro, tu peux te faire un voyage mental. Genre, tu t'installes, tu fermes tes yeux et tu te dis bon, alors je respire, je me concentre sur ma respiration, j'essaye d'éviter de penser. Évidemment, quand tu dis que t'évites de penser, tu penses, mais c'est pas grave. Justement, tu dis que tu vas faire une pensée libératrice. Donc, tu t'imagines en train de faire un truc cool. Par exemple, tu veux aller voyager. Donc là, tu respires, tu t'imagines, tu marches sur un chemin. Ouais. Plus t'avances, plus tu te détends, plus tu décrispes tes muscles. Tu fais un rêve. Genre, t'avances, tu fais un pas. C'est pas tant un rêve. Oui, ça peut être un rêve lucide, si tu veux. Ouais, c'est un retour à l'hypnose, un peu, non? Un peu. C'est de l'auto-hypnose, hein, complètement. Oui, complètement. D'accord. Ouais. Je crois que je vais suivre ton conseil et aller visiter les États-Unis, ça me coûtera pas trop cher comme ça. Voilà, exactement. Ah oui, c'est une sorte de sophro, effectivement. C'est dans le sens où, en fait, c'est vraiment la détente par le. C'est de consacrer un moment à toi et la détente par le. Par le. Par la visualisation ou par c'est l'audio ça. Ou par ce que tu veux. Tu vois, moi, je citerai. Pardon, excuse-moi. Oui, je t'en prie. Du coup, moi, je disais, je suis très visuel et très audio, donc ce qui m'aide énormément avec la sophrologie, c'est je me mets une bougie et d'extérieur, ça paraît complètement débile, mais tu observes la flamme et en fait, le feu est t'endors. Une sorte d'hypnotisant. Ah, ça, c'est un catalyseur. À New York, ça. Non, mais en fait, tu canalises ton attention sur quelque chose pour pouvoir faire le vide autour de toi. Pour éviter de penser. Ah ouais. D'accord. Oui, c'est ça vide la pensée. Mais moi, j'ai fait une séance de sophro chez une professionnelle. Ouais, ça t'avait fait du bien ou pas? Bah oui, ça m'avait fait du bien, mais tu vois ce que je te disais tout à l'heure, elle avait enregistré la séance. Et il y avait des choses comme oui là vous en fait de concentrer notre esprit sur une partie du corps, tu vois, pour la détendre, c'est-à-dire genre là vos épaules se détendent, etc. Et t'as vraiment l'impression, en fait, tu vois, quand tu penses à cette zone là que oui c'est en train d'agir en fait sur cette zone. Et après il y avait des choses du genre oui vous êtes sur une plage, vous pensez à un moment que vous aimez bien, vous êtes sur une plage, il y a la mer et tout ça, et c'est pareil, ouais, t'arrives à voyager en fait avec certains souvenirs entremêlés d'images comme ça random. Alors comme tu disais, Audrey, tout à l'heure, c'est-à-dire que oui, quand tu le fais, je pense qu'il faut pratiquer régulièrement pour arriver à vider son esprit et à ne penser qu'à ça, parce que c'est vrai que quand tu fais ça les premières fois, c'est au moment où ça peut être limite la première fois. Pardon, je te coupe, Théo. Ça peut être limite oppressant là. Moi, c'est ce que j'ai ressenti. Hein. C'était. C'était pas tant ça, mais c'était surtout que tu sais, elle te dit de penser à rien, de penser à un truc et tout, et là, t'as 10 000 pensées qui te reviennent en tête. Exactement. Ah, qu'est-ce que je vais faire après mon emploi du temps cet après-midi? Mais c'est un entraînement, hein, en fait. C'est une pratique, donc c'est un entraînement. Bien évidemment, la première fois, ça va être naze. Et c'est comme la première fois où tu fais un sport et t'es là, genre, tu vois les gens qui pratiquent depuis des années, et t'es là, genre, je suis trop nul. Mais bien sûr, genre, ça s'apprend. Mm-hmm. Mais en tout cas, ça peut pas faire de mal, ça, c'est clair. Non, hein, ça rapporte justement, ça rapporte que de la positivité. Et en ces temps difficiles, il y a beaucoup de Français qui le pratiquent. Et ils pratiquent, je vais passer à l'autre sujet aussi. Ils pratiquent aussi la relaxation, donc qui est autre chose. C'est la même chose, en vrai. C'est la même chose, sauf que les exercices sont différents. Ouais. Et parce que la sophrologie, on est d'accord que ça fait. Enfin, pour moi, la relaxation, il y a plusieurs façons de se relaxer, dont la sophrologie en fait partie, non? Ça en fait partie, ouais. Ouais. La relaxation, tu peux te détendre sur de la musique, sur... c'est tout ce que tu viens de dire, en fait. Oui, oui. Ton micro t'éteint, enfin, ta musique qui m'éteint, là. Si je comprends bien la petite différence, la sophrologie, tu te concentres sur toi-même, que la relaxation, tu te crées un univers autour de toi en même temps, non? Oui, entre autres, c'est ça, ouais. Oui, d'accord. Et du coup, ce qui est conseillé pendant la relaxation, c'est de le faire le matin, si vous pouvez, et puis le soir, après le boulot, généralement, c'est les créneaux qui sont conseillés. Ouais. Mais pas que, des fois, tu peux te faire une petite séance, genre, t'es au bureau, t'as une réunion de merde, t'es stressé, la relaxation... En vrai, la relaxation, ça peut être vraiment juste, littéralement... 5 minutes. Si vous voulez un exercice hyper simple, vous prenez un chrono, une montre, ce que vous voulez, vous déclenchez un chronomètre sur 5 minutes, et en fait, vous inspirez 5 secondes, vous expirez 5 secondes, et pendant 5 vraies minutes. Si tu rates une respiration, c'est pas grave, tu vas pas mourir, on s'en fout. Ouais. Et t'inspires, t'expires pendant 5 vraies minutes, et vous allez vraiment sentir la détente, parce que ça s'appelle de la cohérence cardiaque. Donc ta respiration s'enclenche avec les impulsions de ton air vague, de ton cœur, normalement ça se met au même rythme. Et au début, t'as l'air débile, enfin tu te sens débile, mais on s'en fout, du moment que ça te fait du bien. Et comme tu baisses ton... Parce que quand t'es stressé, tu as tendance à hyperventiler, même si tu t'en rends pas compte, donc à respirer fort et vite. Et là, tu te forces à prendre une respiration profonde et courte, enfin, et plus ou moins courte et plus ou moins... timé. Ouais. Et donc ça te détend automatiquement, c'est mécanique. C'est baisser ton rythme cardiaque. En fait. Cardiaque et respiratoire, c'est mécanique, donc c'est de la respiration, quoi. Et ça, tu peux le faire, genre si t'as 5 minutes avant un oral, avant un entretien, avant ce que tu veux et que tu stresses, tu fais ça. Et c'est de la relaxation, ça n'a pas besoin de durer une heure avec 14 000 mises en scène. Ouais, mais c'est souvent effectivement ce qui est conseillé devant quelque chose de contrôler sa respiration. Ou avant de s'endormir, hein, c'est la même chose. C'est-à-dire que si vous avez des problèmes pour vous endormir, ce petit exercice en fait de relaxation en contrôlant sa respiration et en te détendant, ça peut faire que du bien par la suite. Ouais. Voilà. Et comme disait Audrey d'ailleurs, juste avant quelque chose que tu sens stressant, c'est quelque chose de très bien de pouvoir faire ça, même quelques minutes, hein, pas plus. Tu t'isoles dans ton coin et ça peut être quelque chose de très bien et pour passer des moments difficiles, en effet. Et dites-vous que certains sportifs, athlètes ou les grands sportifs de haut niveau se relaxent quelques heures avant les compétitions, quoi. Linda, toi qui as des petits soucis de sommeil, ça t'arrive de faire des séances de relaxation? Non, pas du tout, parce que je sais que je suis pas très... Comment ça marche pas avec moi, en fait. J'en avais déjà fait quand j'étais enceinte à la maternité, mais ça avait pas beaucoup fonctionné, en fait. J'arrive pas à me détacher, en fait. Il y a certains types de personnes à qui ça marche pas. Ouais. Et je dirais les taureaux, tu vois, ça marche pas trop. Non, je plaisante. Non. On va pas faire une généralité, mais sur moi aussi, ça marcherait pas beaucoup, tout ce qui est comme ça... Ne serait-ce que la méditation, tenir ne serait-ce qu'une minute, je le fais même pas. Alors ouais, mais je pense que, comme disait Audrey tout à l'heure, c'est une question d'habitude. C'est-à-dire que ça marche peu parce que t'arrives pas trop à te concentrer sur ça. On va dire qu'on est moins sujet, en fait. On durera moins. Enfin, ça va prendre plus de temps, en fait, pour arriver à un résultat. Beaucoup plus. Il y a le type de personne qui. Enfin, c'est beaucoup de superstition aussi. Donc, je sais pas si comment je suis clair. Superstition. Parce que c'est spirituel. Oui, voilà, c'est ça, ouais. Ah oui, par exemple, les gens qui me disent l'auto-hypnose, ça marche. Moi, j'ai arrêté de fumer, par exemple. Moi, c'est pas mon exemple, mais j'ai des potes qui m'ont dit j'ai arrêté de fumer avec l'auto-hypnose. Ouais. D'autres, ça marche pas du tout, quoi. Ça, c'est encore autre chose. Là, la respiration, par exemple, c'est mécanique. Genre, il n'y a pas à y croire ou pas y croire. Théoriquement, tout le monde respire. C'est mécanique. Ouais. Ah, mais tout à fait, ouais. Bah bon. Voilà, en tout cas, ça peut que vous faire du bien, surtout en ce moment. Vous pouvez vous y mettre dès aujourd'hui, c'est vraiment facile, il faut adapter le rythme. Et puis, c'est ça, parce qu'en ce moment, déjà, on en a plus besoin, et en plus, on a plus de temps pour le faire. Donc, et puis, on a besoin de zéro matos, clairement. Non, c'est bon. Juste un moine tibétain. c'est léger, il n'y a pas besoin de grand-chose, effectivement. Non, une petite musique qui va bien pour se mettre dans l'ambiance, pas de voisins qui râlent au-dessus parce que c'est déstabilisant, et un environnement calme et serein. Même si votre chat vous regarde bizarrement, ça vous fera du bien et c'est tant mieux. Mais tu sais que les chats, ils viennent pendant la méditation en général? Ah oui, ouais. Ils protègent, ouais. Mais oui, parce que en vrai, un chat, alors autant tu disais tout à l'heure, Audrey, avec la danse, ils sont pas particulièrement fans, alors ni du... ni de la musique, ni des mouvements. Ni des mouvements, mais par contre, quand il y a une séance calme, en principe, les chats, ils aiment bien venir t'embêter un peu, ils montent sur toi, ils font des trucs avec toi, à la limite, ils font une séance de relaxation avec toi, quoi. Bah ouais, ils viennent te faire des massages en fait en se frottant et tout, quoi. Ouais. Ah bah ça c'est très bon, je sais pas si vous avez un chat à la maison, mais c'est pas mal, hein. Linda t'en as un, ouais. Jolan t'en as un, Audrey t'en as un, Daniel non, pas de chat. Non, j'en ai plus. Théo t'en as un. Ouais. Et moi, j'en ai plus. Et pour le coup, ça relaxe bien les chats. Moi, je peux vous assurer que le ronron, c'est une ronron thérapie, y a pas mieux. Exactement. Bah d'ailleurs, c'est toi, Jolan, qui nous en avait parlé de la ronron thérapie il y a quelques temps. Ouais. Vous pouvez retrouver le podcast en ligne, mais ouais, ça fait partie des techniques de relaxation, des techniques de bien-être, et c'est le sujet de la soirée. Daniel, tu vas nous donner quelques pistes et conseils aussi dans un instant. Ouais. Puis avant, on écoute Sonia Rose. Oui. Je voulais juste te dire, j'ai essayé la ronron thérapie, mais je fais pas bien les ronrons, moi. Alors, oui, il faudrait expliquer que c'est pas nous qui faisons les ronrons. Mais on écoute en antenne. On écoute Pierre Rose avec Let Go sur Indestar. L'émission à la maison, c'est sur Indestar. Bienvenue chez vous. Bah, bienvenue à la maison, bienvenue à la... chez vous. Effectivement, vous êtes sur Indestar, www.indestar.fr. Émission spéciale relaxation, lundi soir, émission à la maison, hein, chacun chez soi. Il y a Audrey, ce soir, il y a Linda, il y a également Jolan, Teddy qui est en studio, et puis ouais. Daniel qui nous a rejoint. Et Daniel, tu vas nous parler bah, évidemment de bien-être, avec quelques pistes et conseils en fait pour se sentir mieux dans son corps. Je vais pas la refaire à la Chico, mais on a compris l'idée. Exact, exact. Alors, bah, je dirais que la première chose, quand on veut être bien, c'est ne pas se mettre de barrière. Non, pas se dire... Comment ? Non, j'ai une connerie. D'accord. Ah bah, je l'ai raté. Alors, c'est ne pas se dire... comme là, tout à l'heure, enfin, à l'instant, Jolan, tu parlais de sophrologie, en se disant, ah bah non, la sophrologie, c'est pas pour moi, j'y arriverai pas. Donc, faut commencer par se dire... Il y a plusieurs idées, il y a plusieurs possibilités, je vais les explorer. Alors, je me mets pas de barrière. C'est la première des règles. Oui, parce qu'évidemment, si on se met des barrières, après, ça nous empêche en fait de tester des choses qui nous feraient du bien. Absolument, c'est ça. Absolument. Alors, sachant que le plaisir est quand même partie prenante du bien-être, il faut quand même... Il y a souvent, bon, à part ça... certaines activités, mais dans l'ensemble, il faut que dans cette activité qui va nous mener au bien-être, y trouver quand même un certain plaisir. Mmh. Alors à partir de là, il y a plusieurs pistes. Il y a une que l'on recherche actuellement, qui est la nature, se ressourcer en pleine nature. Pourquoi tu dis qu'on recherche actuellement, c'est... Oui, parce qu'il y en a, ils recherchent pas ça, je pense. Oui, actuellement, avec le confinement, je parle, il y a, ouais, y a beaucoup peut-être. De gens qui sont coincés en ville et qui, avant, pouvaient le week-end, bon, maintenant ça va un peu mieux, mais qui pouvaient le week-end se promener en campagne sans problème. Mmh. Alors, ça pouvait être une promenade, aller cueillir des champignons suivant la saison, ce qui n'était plus possible, ou tout simplement observer la nature, comme ça m'est arrivé une fois de me retrouver face, pas tout à fait face à un cerf, mais 50 mètres devant moi, il y avait un cerf, par exemple. C'est vrai que ce sont des moments normal. Plaisants. Ouais. Plaisants. Normal pour Teddy. Ouais. Normal, oui, oui, oui. T'as raison, par contre, Daniel, de dire oui, se trouver face à la nature, et je pense par exemple aux citadins, c'est que, en fait, même si c'est juste une balade dans le parc du coin, quelque part, c'est quand même une rencontre avec la nature. Et il y a beaucoup de citadins qui se disaient, ouais, bon, moi, la nature, ça ne m'émeut pas et je suis bien dans ma ville, etc. Et là, avec les confinements, ils se disent que, bah, malgré tout, en fait, ces petits moments qu'ils avaient et qu'ils peuvent plus avoir en ces temps plus compliqués, bah, ça leur manque parce que, en fait, c'est juste humain, quoi. On a besoin de nature, de se retrouver, on a besoin d'être à l'air libre, on a besoin de vivre ça. En fait, ça fait partie de notre de nos besoins naturels. Ça marche. Absolument. Que quand ils sont jeunes, on va dire, mais quand ils vieillissent et qu'ils commencent à prendre un certain âge, ils veulent tous retourner à la nature. Alors tous non, mais effectivement, c'est dit, t'as raison que dans le sens ils ont pas envie de finir dans un EHPAD, hein, donc de quoi ? Ils ont pas envie de finir en EHPAD, donc ils vont forcément vouloir retourner vers un truc oui, plus non, terre à terre. Non, mais attends, il y a pas l'EHPAD ou la nature ou les ouais, c'est pas loin. quand t'habites en ville, être vieux, c'est dur. Non, mais t'as raison. La dichotomie totale, noir ou blanc. Rien ne va entre les deux. Ouais, c'est chaud. Effectivement, il y a entre les deux, mais c'est vrai que t'as une proportion de personnes qui habitent en ville et qui ont mené une vie trépidante étant jeunes, qui à un moment donné de leur vie apprécient plus l'idée d'aller à la campagne et de se ressourcer par rapport à tout ce que la nature offre. Mais cela dit, ça ne fait pas une vérité générale, Teddy. Pas loin. Non, c'est pas une vérité générale. Il y a des gens qui sont citadins, qui se plaisent en ville et qui ne voudraient jamais sortir de leur ville. Je crois qu'il y a eu une émission il n'y a pas très longtemps, Ville ou campagne, et qui expliquait très très bien cette problématique. Quand il aura 70 ans, on verra bien. Avec un très bon sketch aussi au milieu. qui était extraordinaire. Oui, je l'ai écouté en podcast. Il était extraordinaire, ce sketch. À retrouver sur dessin.fr, bien sûr. Bien sûr. Alors, il y en a une autre aussi qui est de faire de l'activité physique, surtout quand on a un travail sédentaire, parce qu'on ne va pas demander au maçon, après sa journée de travail, d'aller faire un footing quand même. Et pourquoi pas Parce que tu vas le tuer, Teddy. Pourquoi pas Je peux te garantir que quand tu es... J'ai pas fait maçon, mais des boulots aussi difficiles, t'as pas envie de faire un footing après ta journée de travail. Non, c'est pas pour... C'était pour la blague, évidemment. D'accord. Alors, il y en a une autre aussi qu'on a tendance à négliger, qui est la pratique d'activités artistiques. Ouais. On se dit souvent, artiste, faut savoir dessiner, faut savoir peindre, faut savoir faire de la musique, faut... Avoir un talent quelconque. Un talent, mais... Alors, il y a le talent et il y a le savoir-faire. Et le savoir-faire, quand même, ça se cultive. Ouais, exactement. Non, mais de toute façon, voilà. dans les travails, quels qu'ils soient, mais dans les travails artistiques... Moi, pour faire de la radio, par exemple, on m'avait dit c'est 80% de travail, 20% de talent. Et c'est largement vérifiable, voire même encore plus, tu vois. C'est-à-dire que oui, c'est le travail qui t'apporte les compétences pour faire ton métier. Et je pense que c'est pareil dans tout. C'est-à-dire que peu importe, et encore une fois, comme disait Audrey tout à l'heure avec la danse, mais c'est valable aussi pour le dessin, c'est valable pour faire de la musique, etc. C'est-à-dire que t'as pas besoin d'être bon pour faire quelque chose du moment que ça te plaise. Et si ça te plaît, t'as envie d'aller plus loin, t'as envie d'apprendre, t'as envie de... Se référer au point numéro 1, ne pas se mettre de barrière. Exactement. Exactement, voilà. Non, mais tout à fait. Je suis d'accord, j'apporte ces précisions parce que je suis d'accord aussi sur le fait que quand on fait quelque chose, à part si on le fait vraiment dans une optique de se détendre et d'avoir aucun autre objectif, à ce moment-là, oui, on s'en fout, on danse un peu, on fait un peu de dessin, on fait un peu de musique, peu importe, même si, sauf si ça fait chier les voisins, évidemment, mais voilà, sinon, on n'a pas forcément cette volonté de progresser. Par contre, si ça nous intéresse et qu'on se prend une petite passion, en fait, pour ça, je pense que l'être humain aussi a besoin de progresser. Mais on progresse à notre niveau et on progresse par rapport au simple défi qu'on se met, c'est-à-dire que c'est pas parce que tu vas faire de la musique, si tu sais jouer trois accords, mais qu'il y a 6 mois tu savais pas les jouer ces trois accords, et ben en fait c'est ok, c'est-à-dire que tu pour toi c'est cool parce que maintenant tu sais les jouer, tu savais pas les jouer, tu sais les jouer, mais par contre ça fera pas toi le meilleur musicien, mais on s'en fout. On s'en fout et tu t'es fait plaisir à le faire, t'en retires en plus une satisfaction. Ouais. Comme on dit maintenant, le combo est gagnant dans ces cas-là pour vraiment se détendre, être bien et se sentir bien, parce que le bien-être, c'est pas se sentir bien. Exactement. Voilà. Alors, je passerai sur la cuisine parce que t'as fait toute l'éloge de la cuisine du bien manger tout à l'heure. Bon, sans aller jusqu'à se prendre pour Alain Ducasse ou Paul Bocuse. Voilà. Mais ça peut être aussi donc prendre le temps à d'écouter de la musique aussi, mais tranquillement, pas écouter de la musique en faisant un travail, mais on s'assoit tranquillement, éventuellement on lit un livre en même temps et on met une musique en fond. On se retrouve peut-être un peu sur le principe de la sophrologie, mais on se déconnecte du monde. On a les yeux rivés sur ce livre avec une musique d'ambiance qui peut être Chopin ou AC/DC ou Crossface ou n'importe qui. Alors pour moi, il y a deux choses en fait dans ce que tu décris, Daniel. C'est-à-dire que pour moi, il y a la manière d'entendre de la musique et de l'écouter. Et c'est pareil pour l'émission de radio que vous êtes en train d'écouter ce soir. Mais c'est-à-dire que entendre de la musique, ça va t'apporter une ambiance plutôt détendue quand tu vas faire autre chose. Et à ce moment-là, je pense que l'idée d'avoir une musique qui soit plutôt relaxante, c'est plutôt une bonne idée. Parce que ça va te permettre, par exemple, tu es en train de lire un livre et tu vas entendre de la musique. Et cette musique-là va accentuer ton principe de détente tout en te laissant concentrer dans ton livre. Après, écouter réellement de la musique, pour moi, c'est autre chose parce que c'est une activité qui peut être une activité unique. Où là, tu vas plus te concentrer en fait sur ce que tu es en train de faire, c'est-à-dire écouter de la musique. Et là, en fait, peu importe la musique que tu vas écouter, parce que tu peux écouter du AC/DC et ça va te détendre, parce que ça va te libérer un petit peu toutes les, toutes les choses qui sont tendues en toi. Et puis tu peux écouter autre chose qui soit vachement plus calme, où là ça va te détendre d'une autre façon. Mais là, le fait de se concentrer aussi sur une activité qui est d'écouter de la musique. Et de faire attention à la manière dont c'est composé et vraiment apprécier cette musique à sa juste valeur, ça peut faire partie d'une activité à temps plein et que j'appelle vraiment écouter de la musique, quoi. Oui, alors ce qui est extraordinaire avec Théo, c'est que vous dites une phrase et il explique en détail tout ce que vous vouliez dire. Vous n'avez pas à le faire, ça c'est extraordinaire. Et pendant ce temps-là, vous êtes détendu, tranquille, vous l'écoutez. C'est un moment de bien-être et de plaisir. Moi, je l'écoutais, c'était formidable. Alors, ça je peut être aussi... si j'ai spoilé. Non, non, c'est... T'as dit même en mieux que ce que je voulais faire. Exactement le fond de ma pensée. Bon, bah ok. Voilà. Ah bah c'est fini. Alors, ah non. Il ne faut pas oublier. Il sucra les sujets de ses acolytes. Ah non, mais des fois, je me sens un peu coupable, en vrai. Hein. Non, mais là, c'était complètement ça. Je voulais pas en dire autant, mais enfin, tu l'as fait. Alors, le bien-être, c'est aussi passer du bon temps, c'est rigoler, d'ailleurs. Mm-hmm. Ça, on fait souvent. Ah oui, t'as même des séances, comment ça s'appelle, là, où tu rigoles. C'est pas la rigolothérapie, c'est le yoga du rire. Le yoga du rire, ouais. Où tu te forces à rire et en fait, ça te détend les zygomatiques. T'as l'air de sociopathe. Ouais, c'est t'as déjà vu le Joker? C'est la même chose. Moi, je... Ouais, c'est ça. Oui. Alors moi, je voulais pas en venir jusque-là, mais ça peut être se passer un film qu'on aime bien, qu'on n'a pas vu depuis longtemps, avec quelque chose d'humoristique. Alors, on peut citer le plus célèbre des Français, des films français. Lou, tu Oui. La Grande Vadrouille, justement. Ouais. La Grande Vadrouille qui est, d'après... Ah, j'ai un trou de mémoire sur le réalisateur. Claude Zidi ? Non. C'est le réalisateur de La Grande Vadrouille. J'ai un trou de mémoire, tant pis. D'après lui, c'est le film aux 1500 gags. Donc, ma foi, s'il le dit. Ouais. Gérard Houry, ça y est, ça me rappelle. Oui, Gérard Houry, bah oui. Voilà. J'ai... Donc ça peut être ça, ça peut être écouter des comiques qu'on aime bien, mais vraiment dans le sens... Prendre du temps et les écouter, parce que souvent, il y a des blagues qui sont... un petit peu, je vais pas dire masqué ou qu'on n'entend pas habituellement et qu'on réécoute en fait. Ouais. Ouais, c'est vrai, il y a certains. Oui. Ouais. Et puis partager avec la famille, les amis, les bons moments de plaisir. Mm. Alors moi j'ai un petit plaisir particulier. Je voulais vous en faire part, quelque chose qui me met bien à chaque fois. Alors c'est pas le plaisir du moment, on peut pas trop. D'abord, c'est pas écologique, tant pis. Moi, j'adore prendre l'avion. Ah, mais t'adores prendre l'avion pour quelle raison? Dans quel but? Tu veux prendre l'avion? Non, le fait d'être en hauteur, de voir la terre de haut, ben, un petit peu comme si on était un oiseau. C'est, Daniel, il prend les gens de haut. C'est ouais, joli, mais c'est pas agréable. Bah, comment je comprends que ça puisse être agréable, si. Alors, Daniel, c'est joli, mais c'est pas agréable prendre l'avion. Bah, ça dépend duquel avion. Si c'est un planeur, si c'est un truc de genre, et si tu sautes en parachute, t'es bien là-haut. Oula. Oula. Alors, l'avion, oui, si t'es pas à côté du hublot, c'est vrai que. C'est pas c'est bien. Pas terrible. Mmh. Oui, il faut le planeur pour être. Ouais, il faut de visuel, en fait, c'est ça que tu veux dire. Voilà, par exemple, moi j'ai souvenir d'une photo que j'ai faite qui est le bassin d'Arcachon. Mmh. L'avion est passé au-dessus. Ouais. Et j'ai pris la photo du bassin d'Arcachon alors qu'on le survole, par exemple. Et c'est quel type d'avion que t'aimes prendre? C'est les gros porteurs ou c'est les petits avions de plaisir, de loisir? Les boui-boui. Bah, moi, j'ai une préférence pour les petits. J'aime pas les gros porteurs. Mmh. Alors, je dirais que le maximum, c'est quand même, on va dire, la caravelle. Au-dessus, non, il y a trop... Attends, la caravelle, elle s'est arrêtée en 1940, là, non? Non, mais en termes de format, donc... Oui. Au-dessus, c'est trop standardisé. Parce que la première fois que j'ai pris l'avion, c'était une caravelle, c'est pour ça. D'accord. Voilà. Je me dis, Daniel, la prochaine fois, il a prévu un vol pour le Concorde, mais... c'est compliqué. J'espère toujours. Non, mais et donc, tout ce moment, avant, quand je sais que je prends l'avion, petit à petit, j'ai une sorte d'adrénaline qui monte, mais le plaisir qui m'envahit. Ah ouais. Et quand je monte dans l'avion, et c'est, pour moi, c'est extraordinaire. Alors, excuserai le jeu de mots, mais quand je monte dans l'avion, je suis sur un nuage. Wow. Il s'envole au 7e ciel. Ouais, bah... Bizarrement, oui, je vais au 7e ciel, voilà, c'est ça. Ils s'en vont en l'air, tout ça. Ouais. Je pense qu'on doit être nombreux, mais moi, c'est l'inverse. Je suis malade quand je vais prendre l'avion, tu vois. Ah non, mais oui, je te rejoins totalement, Linda. C'est-à-dire que moi, c'est même pas je suis malade, c'est que je ne prends pas l'avion. Donc pour moi, ça, c'est plutôt une phobie, l'avion, ouais. Ah ouais. Ouais, mais quand t'as pas le choix. Mais par contre, je rejoins. Oui, non, mais ça, du coup, ça ne détendrait pas du coup, mais du tout. Mais par contre, je rejoins Daniel dans le sens où moi, tu vois, autant c'est pas l'avion, mais c'est la voiture. C'est-à-dire que quand je suis stressé, je vais faire mon petit tour de voiture, voilà, sur les petites routes de campagne, etc. Et ça me détend. Ouais. Tu rigoles, mais moi, j'avais un petit neveu que sa mère le mettait dans la voiture pour qu'il s'endorme, tu vois. Ah oui, bah parce que ça berce en fait quand t'es à l'arrière par les voitures. Ça, on l'a déjà fait par contre. Même avec mon fils, je l'ai déjà fait. Genre, oh putain, il veut pas dormir. Bon bah, on l'emmène en bagnole, on fait un petit tour dans le quartier, et hop, il dort, on le remet au lit. Ça, c'est le technique de parent. Je l'ai fait aussi, hein. Ouais. Ceci dit, moi, prendre l'avion, faire un petit tour sur les routes de campagne, c'est compliqué. Ouais, c'est plus compliqué, ouais. Tiens, je vais me faire un petit Paris-Toulouse, là, c'est parti. Surtout qu'on est en région Centre-Val de Loire, donc quand tu veux prendre l'avion, si, il y a quelques avions à Tours quand même, un petit départ pour Porto. Mais si tu veux vraiment aller dans une destination prédéfinie, enfin, normalement, il faut aller à Paris, donc déjà, c'est compliqué, quoi. Paris, bien sûr, la relaxation, quoi. Ouais, tu absolument. Absolument. Mais c'est un plaisir, c'est un moment, moi, où je suis. Il y a une alternative. Il y a une alternative à prendre l'avion réel. Tu joues à Flight Simulator, puis voilà. Oui, c'est pas pareil. Ah non, j'ai essayé les simulateurs, mais franchement, non, c'est pas pareil. Ouais. Mm. Non, mais je conseillais Flight Simulator, le dernier jeu simulateur qui est sorti sur Xbox, qui est génial. Ah bah oui, mais je pourrais pas prendre. Oui, il est top, mais cela dit, ça te fait voyager. C'est très beau, hein. En plus, le dernier Flight Simulator, oui, on vous le conseille si vous êtes fan de ce type de jeu. Il est très très beau, mais par contre, t'as pas cette sensation, à mon avis, de dominer, en réalité, de liberté, etc. Tu vois. Peut-être en lunettes réelles, là, ça peut marcher, peut-être. En réalité virtuelle, là. Non, mais alors. Un peu plus, ouais, mais d'une certaine manière, mais je sais pas. Enfin, je pense que c'est ton corps, tu vois, qui ressent tout, comme. Alors, les vibrations un jeu et tout. De voiture, ça va pas me détendre autant que si je prends ma voiture, en fait, parce que y a un tout, en fait. C'est vraiment. L'environnement, tout ça. L'environnement, ouais. Je disais que c'était une alternative, pas que c'était obligatoire. Non, mais bien sûr. En temps de confinement, c'est compliqué de prendre l'avion. Non, alors, je ne retiendrai pas l'alternative. D'accord. Voilà. Voilà, donc il attend de pouvoir reprendre l'avion en réel. Il est stressé en fait pour le moment, mais il attend la fin de toute cette merde pour pouvoir se déstresser à bord d'un avion. Il va faire 4 fois le tour de la Terre, Daniel. Ah oui, au moins, oui. Ah oui, il va falloir ça, hein. Du coup, t'as prévu une destination, Daniel, pour te détendre ? Daniel ? Alors, j'ai un gros rêve, c'est d'aller donc aux États-Unis voir les monts Rushmore et de m'émerveiller devant ces sculptures, à mon avis, dans la roche, c'est même la roche qui doivent être monumentales. Tu vas en train de te détendre. J'ai prévu de s'émerveiller. J'ai cru. J'ai cru que t'allais dire. Alors, jour 1 arrivé, jour 2. Émerveillement. Jour 3, émerveillement. Voilà. À partir de 10h58 du matin, on va s'émerveiller. J'ai cru qu'il allait dire peu importe. Il va avoir le temps de se faire plaisir, là, avec le trajet. Ah bah là, oui. Mais j'ai cru qu'il allait dire peu importe la destination, parce qu'en fait c'est le trajet qu'il veut, donc il part quelque part et il repart aussitôt. En fait, il s'en fout, il prend un avion, hein. Bah basta. J'ai un autre moment de plaisir entre temps quand même que je cumule. Il se fait dropper au-dessus du Mont Rochefort et après récupérer. C'est ça. J'étais au Mont Rochefort, bon j'ai même pas Rochefort. Fait l'escale. Rochefort, pas Rochefort. Oui, Rochefort. Non, Rochefort, ici, il n'y a pas de montagne en France. C'est Jean Rochefort. Jean Rochefort, rip, c'était un génie. On pense à toi. Eh oui. Mais j'avoue que, enfin, je parlais de voiture. Moi, c'est quand je suis en vacances. Ça, alors, je vais pas dire que c'est mon seul plaisir des vacances, parce que ça sera un peu réducteur, mais ça fait partie du grand plaisir des vacances, c'est le voyage, en fait. Et la découverte des nouvelles routes, et le fait de pouvoir flâner, de découvrir des petites routes, des petits chemins, etc., ça fait vraiment intégralement partie du plaisir que j'ai à voyager. Il y a quelqu'un qui a dit, alors je sais plus qui, parce que je m'en fous, mais il a dit une phrase très philosophique du genre « c'est pas la destination qui compte, c'est le chemin et les détours qu'il y a dans ce chemin ». Yeah. Ça devait pas être la citation exacte, mais oui. Mais bah oui, non, mais c'est la citation fait Teddy, évidemment, mais. La citation Teddyisée. Vous avez compris le principe. La citation libre, en fait, ouais, tu sais, c'est libre de droit. On peut utiliser sur une des stars pour pas compromettre les droits. Mais voilà. La musique, alors pas forcément libre, mais découverte, on en a toute la journée sur Indestar. Daniel, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose à ton sujet ? Non, je voulais dire, j'ai volontairement fait court sur chaque idée pour montrer, donner des pistes, c'était juste l'objectif. Maintenant, surtout se rappeler que pour le bien-être, comme le disait Audrey, se rappeler du point 1, ne pas se mettre de barrière, essayer les choses. Un peu insister parfois, parce que c'est comme la sophrologie, la première fois, bah, c'est nul. Mmh. Insister, et je pense qu'il y a un lien très fort quand même entre le plaisir et le bien-être. Et si on trouve un plaisir dans une activité que l'on fait pour se détendre, pour se faire plaisir, des fois pour faire plaisir à son entourage aussi, parce que ça peut être pour offrir quelque chose. Oui. Je pense que là, à partir de ce moment-là, on peut être bien dans sa peau. Alors, faut pas vouloir faire plaisir aux autres pour soi-même, mais par contre, il faut. Enfin, je sais pas si vous avez compris le sens de cette phrase, mais vous pouvez faire plaisir à vous-même ou faire plaisir aux autres. Oui. Voilà. Parfait. Faut pas le faire pour faire plaisir, quoi, c'est ça. Parce que je voulais dire. Voilà. Oui, c'est exact. Faut pas le faire. C'est pas faux. Je vais faire plaisir à quelqu'un. C'est. Je me suis fait plaisir à moi. Je vais en faire profiter quelqu'un d'autre. Exactement. Exactement. Voilà. Là, on va tous se faire plaisir, j'en suis sûr, parce qu'on a Jess Moskalek, on l'adore, sur Indestar, avec son titre Map Dot. Et Teddy, tu vas nous parler de douche dans un oui. instant. c'est la douche froide du lundi soir. Parce qu'on est con ou confiné, l'émission à la maison, c'est jusqu'à 23h sur Indestar. Et j'en profite pour dire que ce jingle est signé de la fille de Linda. Voilà. J'ai même pas reconnu, c'est pas vrai? Ah si, rendons c'est à pas ma fille. Une des pages avec notre émission à la maison du lundi soir, comme tous les lundis et vendredis d'ailleurs. Et cette semaine, vous le savez, à chaque fois on choisit un thème hein, d'émission. Vendredi, nous aurons la chance de recevoir un artiste avec nous dont on vous dévoilera le nom avant la fin de cette émission. Donc restez là jusqu'à 23h. Et avant, et aujourd'hui, on parle bien-être, puisque c'est le sujet de la soirée. Et Teddy se pose la question, et nous pose la question, j'imagine, de savoir si prendre une douche, c'est utile de le faire tous les jours ou pas, et est-ce que ça peut apporter comme bien-être ou pas, j'imagine. Teddy, je te laisse oui. la suite. Parce que, alors effectivement, moi, quand on m'a dit qu'on faisait une émission bien-être, j'ai tout de suite pensé à la santé. Parce que D'accord. la santé, c'est quand même primordial pour être bien. Le bien-être, Exactement, ça passe aussi par la santé. Si on est, quand on est malade, on n'est pas bien. En bien-être, mmh. Clairement. Donc la santé est un point primordial aussi pour le bien-être. Tout à l'heure, Jolène a parlé de le bien-être mental. On en a remis une couche tout au long de cette émission. Mais on n'a pas parlé du bien-être, comment dire, physique, mais au niveau de l'hygiène. Parce qu'effectivement, notre corps, pour qu'il soit bien, il faut certaines choses, comme manger par exemple. Sinon, il n'est pas bien. Et il faut aussi le laver aussi, il faut l'entretenir ce corps d'une manière ou d'une autre. Il ne faut pas casser des bras tout le temps, enfin se casser le bras tout le temps. Ça participe pas au bien-être. C'est pas un très bon exemple non plus, parce qu'on se casse pas non plus le bras comme ça pour s'amuser. Bah, c'est-à-dire que oui, si tu le fais vraiment exprès, si tu te casses le bras tous les jours. Bah ouais, faut vraiment être. Je sais pas, c'est une forme de bien-être un peu obscur là. Bon. Là, c'est du mal-être, hein, le bras cassé tous les jours. Ouais, c'est pas faux, ça ressemble plus à du mal-être. Pas de chance quand même, à chaque fois il t'arrive un truc. Ce sujet-là, il m'est aussi venu en discutant avec Linda notamment. Oui, je parlais du. Comment dire, est-ce que c'est bénéfique de laver. Alors, moi je parlais de mon fils à ce moment-là. De le laver tous les jours avec du savon et tout ça. Je me demandais si c'était bien ou pas. Donc, vu que Linda était maman, je lui ai demandé aussi. Et j'ai eu l'idée de ce fameux sujet. Est-ce qu'il faut se laver tous les jours? Est-ce que c'est bon pour sa santé? À part peut-être celle mentale. Parce qu'effectivement, en France, c'est un phénomène plus social qu'un besoin physique. Ouais. En France, il faut se laver tous les jours par pure... comment on peut dire ça? Pression sociale. Ouais. Voilà, c'est ça. Parce que si tu le fais pas... je sais pas, soit t'es pas français, soit tu... Non, je sais pas. T'es une sous-merde d'humain. Mais tu sais qu'on a la réputation d'être sale à l'étranger, hein, les Français. C'est exactement... On a une réputation d'être des gros porcasses. Hein. Alors qu'au final... Les mains, les Français, en fait. Pas que les mains, on a la réputation d'être des gros porcasses tout court. Oui. Mais... Alors, c'est... Oui, c'est vrai. Clairement, c'est vrai. D'après les chiffres de... On est... Après les chiffres. Ouais, bah non, mais clairement... Les chiffres américaines. Hein ? Non, je vais pas te dire lesquels. Non, si, je déconne. comment dire ? En France, on est à peu près 43% à pas prendre de douche tous les jours. Donc ça peut paraître crado pour d'autres pays. C'est beaucoup, quand même, en fait. Ça fait beaucoup, ouais. Mais, bah oui, alors, ces chiffres-là, c'est pas les chiffres, comment dire, d'un panel qui a répondu, en fait. Parce que souvent, les Français, justement, par honte, ils vont dire... Bah ouais, si, je prends une douche tous les jours, donc qu'est-ce que tu crois? Alors que c'est pas vrai. Et du coup, ça fausse souvent le résultat. C'est les chiffres réels. Alors, on a été espionner les gens dans leur douche pour savoir s'ils... Pas besoin d'espionner, non. Tu fais par rapport à la quantité d'eau qu'ils utilisent. Et là, tu obtiens à peu près... Tu sais, en fait, c'est la machine à laver... Oui, mais justement, c'est calculé. Tout est... C'est facile. Enfin, c'est facile. C'est des statistiques et c'est... Quoi. Oui. Il peut y avoir une ou deux erreurs, mais franchement, c'est... Enfin, ouais. Quand tu as tous les paramètres en compte, tu arrives à faire une estimation à peu près juste. D'accord. Mais alors, comment t'arrives, parce que tu parles de pression sociale et de conformisme, et comment t'arrives, avec un chiffre si gros de personnes qui ne prennent pas leur douche tous les jours, à garder cette... Parce que c'est social. Il faut mentir, il faut dire que tu prends une douche tous les jours. C'est, c'est une mode en France. C'est la base. En France, il faut faire ça. Tu dois prendre une douche tous les jours pour être accepté socialement. Sinon, en tant que pays développé, etc., etc. Alors que, par exemple, je vais prendre le cas de l'Inde, parce que c'était le cas qui était donné. En Inde, ils se lavent pas tous les jours et ils connaissent pas ce que nous, on appelle l'eczéma. Ça existe pas chez eux. Ah. Ouais. Parce qu'il y a quand même des bénéfices, en fait, à pas se laver tous les jours. Il y a plus de bénéfices à ne pas se laver tous les jours que à se laver tous les jours. C'est ça qui est étonnant. Alors, attends, pour bien comprendre quand même le truc, ta position par rapport à ça, toi, t'es de la team, genre, on se lave pas tous les jours? Bah moi, là, j'étais de la team, surtout confiné, donc, ouais, c'est sûr, c'est pas tous les jours. Hein. Je vais pas mentir, mais c'est genre, peut-être 2-3 fois par semaine. Oui, mais pour quelle raison? Pour la raison que tu ne... Eh bah, c'est pas, une raison sociale. C'est pour une raison sociale. C'est pour une raison sociale, parce que, comment dire, Maëva, enfin, je vis avec des gens, notamment Maëva, et ouais, elle va dire, ouais, mais va te laver, t'es crade. Et ça fait chier souvent, donc bon, bah on y va de temps en temps. Commence à puer, effectivement, c'est... Ouais. Non, mais je comprends en fait ton truc, mais après, je pense que ça dépend surtout aussi... Et de l'activité que tu as dans la journée. Bien sûr. Parce que celui qui va travailler, qui fait du travail physique, etc., je pense que le coup de il la a douche, besoin de se laver. On a la chance de pouvoir le faire, en fait, si vous avez une salle de bain, l'eau courante, etc. Donc, je pense que voilà, il faut pouvoir en profiter aussi. Après, si tu glandes toute la journée à la maison, tu sors pas, etc., peut-être qu'effectivement, c'est pas forcément indispensable. Oui. Il y a un autre paramètre qui rentre en jeu aussi, c'est peut-être le climat, éventuellement, s'il fait chaud. Le climat, mais attendez, on met la charrue avant les bœufs. Par rapport au niveau du métier. Effectivement, quand tu fais boulanger ou maçon, tu vas avoir tendance à être sale de partout. Quand t'es boulanger, t'as beaucoup de farine. Quand t'es maçon, j'imagine que t'as plein de poussière partout. Oui, de ciment. Ça peut être pas mal de se laver quand même pour pas être sale. Par contre, t'as lavé et lavé. Je m'explique. Oui. Les produits qu'on utilise, parce que ce que j'entends par douche tous les jours, généralement, c'est des gens qui prennent leur douche avec du shampoing, avec du gel douche. Basique, hein, de base, celui que t'achètes en supermarché. Je veux pas spoiler le truc, mais j'avais entendu plusieurs études qui avaient été menées, comme quoi c'est mauvais pour les cheveux. C'est assez mauvais, c'est très... c'est horrible. Ça change le pH, en fait. Tout coiffeur qui se respecte ne te dira tout le temps, ne te lave jamais les cheveux tous les jours. Deux fois par semaine, ça suffit, en fait. Bah ouais, et c'est encore plus présent chez la gente féminine qui ont les cheveux longs. Parce que ils ont pas envie de perdre des cheveux, ce qui paraît normal. Enfin, et il les conseille toujours de se les laver au bout de 2-3 jours. Ce qui est normal, en fait, parce que c'est pour la santé de leurs cheveux. Par contre, pour le corps, on n'a pas de, on va pas souvent voir un dermatologue qui va nous dire, ah bah oui, faudrait que tu te laves moins, faudrait que tu te laves que deux ou trois fois par jour, parce qu'on va pas forcément voir un dermatologue. On va en voir un quand on a un problème. Par jour, bah oui. Alors que le coiffeur, tu y vas quand même. Quoi qu'il arrive, tu y vas. C'est une routine. Dermato, non. Mais bon, pour en revenir au métier, il faut que tu te laves. Enfin, faut que tu te laves quand tu es sale. C'est logique. Tu as de la farine partout, tu vas te laver. Par contre, tu n'es pas obligé de te laver totalement avec des produits. Et des produits type... Attendez, j'ai ma petite liste. Parce que je sais. J'ai trop d'ardoises. Type gel douche, etc. Oui, on sait pas parce que ça, c'est... Dedans, ce genre de produits, c'est souvent des produits qui contiennent des colorants, des sulfates, des conservateurs et... Des parfums aussi. Des minéraux alcalins. Des parfums ? Oui, bah c'est parfumé souvent ces produits. Ah, des parfums. Ah, des parfums. Ah oui, j'ai compris, des parfums. Ah ouais, Tu travailles dans le bâtiment, les parfums en salon, c'est pas bon. Ouais, non, te laves pas avec un parfum, c'est pas conseillé, clairement. Un peu lourd. Par contre, tu peux te laver ne serait-ce qu'à l'eau. Alors, quand t'es bien sale, prends du shampoing et du gel douche. Mais tu peux en prendre déjà qui respectent ta peau. Ou alors, tu le fais qu'une fois sur deux. Genre un jour tu te laves avec que de l'eau, un jour tu te laves avec shampoing, gel douche. Ouais, bah, ça marche. Déjà, enfin pour distinguer, c'est pas pour faire de la promo, mais je sais que par exemple tout ce qui est savon de Marseille, etc., que j'utilise pas personnellement, donc je suis mauvais juge pour le dire, mais tout ce qui est savon de Marseille, enfin ou fait de manière naturelle, c'est déjà beaucoup mieux que le fameux gel douche que tu as acheté. Le savon de Marseille, c'est un peu surfait parce que c'est généralement un truc que tu trouves en grande surface et c'est pas vraiment du savon de Marseille. Non, ça change tout. Pas forcément du vrai savon de Marseille. Bah ouais, et c'est bourré de produits aussi. Ça n'a rien à voir avec celui qu'on pourrait appeler le vrai savon de Marseille. Les bénéfices du vrai. Les produits que tu peux utiliser, j'en ai noté certains, si vous voulez, des produits que vous pouvez utiliser. Pardon, Teddy, j'ai une question là, à te poser là, qui me trotte dans la tête. Là. Vas-y. Tu as parlé, donc, par exemple, un jour, tu te laves avec de l'eau. Oui. Le lendemain, tu prends un gel douche et shampoing. Voilà, mais sans eau. Oui, parce que tu agresseras beaucoup moins ta peau. Trace avec quoi? Tu trinces avec quoi? Il attend le jour d'après. Ah bah. Ah, c'est pour ça. Alors, 24 heures. D'accord. Oui, alors tu peux trincer avec de l'eau aussi pendant que tu peux utiliser de l'eau quand tu mets du shampoing. Ça peut être pratique. Et d'ailleurs, c'est même très déconseillé de se laisser du shampoing sur les cheveux pendant très longtemps parce qu'au bout d'un moment, ça va te les bouffer et tu vas les perdre. Vraiment. Ne te laisse jamais ne te fais pas un. Alors, t'as dit, faut pas se laver avec de l'acide chlorhydrique, hein, c'est pas bien. Bah, par exemple. ça enlève la farine, mais faut arrêter, hein. Oh, bah, ça enlève tout, hein. Ouais, bah voilà. Non, mais le shampoing. Au Javel. Le shampoing, c'est un pH basique. C'est pas acide, oui. C'est de l'autre côté, en fait, sur l'échelle de pH. Et ça va avoir tendance à tout dessécher. Et c'est pour ça que c'est nocif pour notre peau d'en mettre trop souvent. C'est parce que ça dessèche ta peau, ça enlève la petite couche grasse. Alors attendez, j'ai noté le nom quelque part, mais bon, j'ai tellement d'ardoise que je l'ai trouvé. La couche protectrice naturelle, en fait. Oui, la couche hydrolipidique. Il faut savoir que la peau aussi se régule plus ou moins suivant les personnes. Mais elle se régule toute seule, plus ou moins. Il y en a qui vont avoir besoin réellement de se laver tous les jours, parce que la peau ne régule pas. Et il y en a, bon, si tu ne fais pas un boulot de basson, par exemple, ou de mécanicien, où tu vas avoir les mains dans le cambouis, qui vont avoir une peau qui se régule et qui, eux, n'auront pas besoin d'un shampoing tous les jours. Aussi. C'est exactement géré ça. Géré par les hormones, d'ailleurs. C'est hormonal. Et j'y reviendrai tout à l'heure. On m'a pas dit qui gérait, d'ailleurs. J'y reviendrai tout à l'heure, mais pour vous donner les exemples de produits que vous pouvez utiliser qui est plus pour le bien de votre corps, pour votre santé, c'est les produits type surgras. Donc je sais pas ce que c'est cette catégorie, mais c'est en gros des produits très très gras du coup, j'ai l'impression. Ouais. Ou les produits, en fait. Les syndettes, ça hydrate pas vraiment, mais ça te permet d'avoir la peau grasse quand même. En fait, tu te nettoies, mais ça te garde un peu la peau grasse. Ouais. Parce qu'il faut que ta peau soit un peu grasse. C'est un peu le lustrage que tu peux c'est mettre un peu le lustrage. C'est un peu ça. J'ai remis en voiture. Ou alors les fameux produits que tu as en pharmacie, les syndettes. Donc c'est des savons sans savon. Ouais. Tu parles de quelque chose que tu vas trouver en pharmacie. Alors effectivement, malheureusement, c'est pas le même budget, mais par contre, c'est Pour ta peau, c'est le top. Beaucoup plus sain. Après, t'as aussi les huiles lavantes. Ça, tu dois peut-être en trouver pas qu'en pharmacie. C'est même sûr. Ouais, ça se trouve. Ouais. C'est très gras en fait. Oui, voilà. Et c'est ça. C'est là-dessus cette notion-là que je veux en venir. C'est que tous les produits qu'on achète, en fait, ils sont pas gras. Ils sont même l'inverse. Ils sont dans. Ouais. Enfin, ça sèche la peau. En fait. Alors que c'est totalement le contraire qu'il faudrait pour notre peau. C'est complètement dingue. Pour en revenir, à l'autorégulation que tout à l'heure parlaient Linda et Daniel, il y a un journaliste qui a fait une expérience pendant un mois. Il a pas pris de douche. Il a rien fait. Il a pas d'eau, rien. Il puait grave, mais. Alors, il puait pendant 10 jours. Les 10 premiers jours. Parce que c'était là le pire. Après, au bout de 10 jours, il puait beaucoup moins. Alors, pas presque pas, mais parce que si tu mettais ton. Oui, alors, peut-être. Lui, mais je. Non, attention, on parle pas que de lui. On parle aussi des gens qui venaient pour sentir. Qui étaient autour. Oui. Ok. Bien sûr, les si gens tu mets. Qui venaient pour sentir. Non, mais c'était un test. Qu'il a enlevé son odeur. Alors, c'est pas qu'il a enlevé son odeur, c'est qu'il a récupéré son odeur corporelle de base. Et comment dire. C'est beaucoup moins fort que les 10 premiers jours, parce que les 10 premiers jours, c'est là où que ta peau a se remet correctement. Donc, il y a encore des. Des bactéries ça qui sont régulé, pas totalement. Quoi, oui. Tu veux dire. C'est un peu le bordel en fait, pendant 10 jours. Enfin, cela dit, à l'époque des rois de France où les conditions d'hygiène n'étaient clairement pas les mêmes et que. Voilà, ils se lavaient avec du parfum en fait. Donc ils se lavaient pas, ils se mettaient juste du parfum. Ils mettaient une tonne de parfum pour dissimuler justement les odeurs qu'ils pouvaient avoir. C'est ça. Ah, comme dans le film Les Visiteurs où ils mettent du cacharel ou je sais pas quoi dans bien la... sûr. Ouais. Okay. C'est ça. Après, il y a autre chose et on en parlait tout à l'heure avec la nourriture, mais il paraît que ça joue beaucoup en fait, la nourriture que tu consommes. Oui, les odeurs. Ouais, pour les odeurs corporelles, ça change vachement en fait. Ouais, mais pour en venir à ça, au bout de 10 jours, il se sentait toujours un petit peu. En gros, si tu mettais le nez bien sous son aisselle, forcément, ça sent pas la rose, mais même chez les personnes qui se sont lavées peut-être il y a 2 heures, ça va peut-être même pas sentir la rose non plus en fait. C'est ça qui est drôle. Sûr, ouais. Donc au final, il revenait à un stade plus ou moins normal d'humain. Voilà. Bon, alors après, il avait peut-être. Je sais pas s'il a été dans la boue ou quoi que ce soit, ça m'étonnerait vu qu'il était journaliste, mais. Voilà. Son expérience a réussi à prouver qu'au final, faut en pâtir pendant 10 jours, mais après ça va, ta peau se remet bien. Ouais, mais au-delà du fait que tu pues ou tu pues pas, mais je veux dire, est-ce que c'est bon quand même? Enfin, l'être humain a toujours recherché quand même à se laver, et pas forcément que pour une histoire d'odeur. Est-ce que c'est quand même pas bon pour le corps humain de se laver? Tu as tout dit, à mon avis, c'est un bien-être la douche, en fait. Ça c'est un bien-être. Ouais. Je voulais en venir à ça, et même pas que la douche. Le corps qui est dans l'eau, c'est sympa, c'est agréable comme sensation. Quand tu prends un ça bain. Ça me rappelle peut-être comme quand on était dans le ventre de notre mère, peut-être. Peut-être, je sais pas, mais par exemple, il y a beaucoup de gens qui aiment bien aller à la piscine, alors qu'au final, ça sert un peu à rien. Enfin. Je dis pas que ça sert à rien, mais tu te fais plaisir. Tu aimes aller dans l'eau. Les gens qui prennent des bains, c'est pour se détendre, pour se faire du bien-être, santé morale. C'est pas physique, hein, là, clairement. C'est moral qui se font du bien en étant dans l'eau. T'es bercé par l'eau, t'es tranquille. C'est une relaxation. Rassurez-moi, vous prenez des douches pour vous détendre, non? Alors, des douches pour se détendre, c'est un peu plus compliqué parce que c'est pas vraiment la même chose. Ça tonifie, mais moi, ça me détend, je sais pas. Se tonifier, c'est un peu le contraire du détente. Je prends les deux, c'est-à-dire que tu vas plutôt prendre une douche le matin pour te tonifier et te donner la niaque pour un peu dans le gaz, etc. Ouais. Tu vas prendre une douche un peu plus froide, etc. Ouais. Tu vas plus rapide et plus froide pour te tonifier. Le soir, une douche de décontraction où là tu vas mettre l'eau un peu plus chaude, tu vas rester plus longtemps sur la douche. J'avoue que j'ai cette manie, c'est pas très écologique, j'avoue. Mais de faire des douches de 12 minutes, quoi, et encore. Les bains. Matin et soir, Yann, Théo. J'avoue que tu vois, si je suis pas très en forme le matin, je vais plutôt prendre une douche à ce moment-là. Mais rapide. Et sinon, je la prends le soir, où là, je vais plus la prendre pour de la décontraction. Ça peut m'arriver de me prendre de douche dans la journée. Mais ça peut m'arriver de laisser passer une journée sans prendre de douche. D'accord. Aussi, tu vois, j'ai pas vraiment de rythme par rapport à ça, si ce n'est au moins une douche tous les deux jours, mais je peux en prendre une ou deux par jour, quoi, voilà. Ouais, c'est au besoin, quoi. Ouais. Ok. Je sais plus ce que je voulais dire. Mais bon, c'est pas grave, je vais enchaîner sur autre chose. Vous pouvez aussi installer un adoucisseur d'eau. Ça sera ultra bénéfique pour votre corps. Parce que l'eau, ça a un pH plus ou moins neutre. Mais quand même, il est pas totalement neutre. Il est pas à 7 pile. L'eau, c'est. Mais en plus, c'est calcaire. C'est pour ça. C'est pour ça. Il y a des minéraux quand même, donc ça agresse quand même légèrement. Alors beaucoup moins qu'un savon ou quoi que ce soit. Hein. Mais bon, avec un adoucisseur d'eau, vous êtes vraiment pile poil à ce qu'il faut. Votre corps là, c'est de la soie après. Justement, moi, je vais acheter un pommeau de douche avec des petites billes dedans. J'ai envie d'acheter ça. Adoucisseur, bah ouais. Avec adoucisseur intégré. Ouais, non, mais c'est pas mal. Ouais. Alors, l'inconvénient de ça, c'est que ça va être assez petit et du coup, il faudra le changer très souvent. Enfin, c'est normal, ouais. C'est l'entretien. Oui, parce que sinon, l'adoucisseur d'eau, c'est quand même toute une install que tu fais chez toi. Ouais, ça coûte cher. Alors que là, le pommeau, c'est bien. Faut juste l'entretenir souvent, c'est tout. Mais ouais. C'est comme mais beaucoup de choses. Ça, quand j'étais petit dans la maison où on habitait, on avait un adoucisseur d'eau. Ah bah tu vas avoir une belle pas, je peux pas te relever les aspects positifs et négatifs du truc, mais je sais que c'était quand même une grosse install. Ah non, oui, non, mais c'est clairement ça change beaucoup de choses au niveau de ta peau. Ta peau, tu respectes beaucoup plus ta peau avec ce type d'eau. Il suffit juste qu'après tu te laves tous les deux jours à peu près. Alors tous les deux jours, ça veut pas dire que tu te laves pas pendant un jour et qu'après tu te laves. Ça veut dire que, enfin. Dans le meilleur des cas, avec ton eau adoucie, tu peux te faire ce qu'on appelle une toilette de chat. Donc tu te laves les parties intimes. Ouais, intimes, les aisselles. Le visage, voilà. Explosé, les pliages. Mais calot. Calot. Ouais. Tu fais ça un jour sur deux. L'autre jour, tu te laves avec un peu de savon, parce que bon, on va pas forcément acheter le truc en pharmacie comme tu l'as dit tout à l'heure. Tu prends un peu de gel douche, t'en mets pas des masses. Voilà, tu te laves une fois sur deux avec ça. Ça passe, normalement tu devrais avoir une peau soyeuse. C'est le terme soyeuse. Parce qu'il faut pas que ta peau soit rêche. En théorie, il faut que ça soit quand même assez doux. Il faut une certaine forme de graisse en fait sur ta peau. C'est un bon signe. Je sais pas si vous êtes comme moi, j'adore prendre des douches brûlantes, mais c'est très mauvais. Pareil. C'est très mauvais pour la santé. Alors, comment dire, il y a plusieurs raisons à ça, mais la première c'est que ça te dilate les pores. Donc après, tu sors de la douche, t'es pas stérile, mais. Plus ou moins. Oula. Et tes pores sont t'es pas stérile, mais tes pores ils sont ouverts et toutes les bactéries qui vont être présentes, bah paf, ils vont rentrer bien plus facilement dans toi. Bah je crois que tout était bon dans le cochon. Dans la douche chaude. Dans le bouillant pas sous la douche le cochon. Non, on va faire des vannes avec les pores maintenant. Ouais. Après ça détend les muscles. La peau, en fait. Ça détend les muscles. Par contre, pour de la peau, c'est une catastrophe. Parce que ta peau, elle est pas censée être cuite, quoi. C'est pas une peau de poulet. Et c'est vrai que ça fait du bien pour la détente. Hein. Musculaire, tout, oui. Le fait qu'une partie de la douche, mais tu te mets ça sur le dos de l'eau presque brûlante, ça te fait du bien, ça te détend. C'est ça. Mais des soucis de circulation et tout ça, donc de tendinite, donc ça me détend. Quoi, voilà, tu peux faire ça. Tu peux prendre des trucs brûlants, enfin chauds. Pour certains aspects médicaux, comme les muscles, quand t'as des problèmes de muscles, quand t'as des problèmes ligamentaires, c'est pratique et ça marche, ça détend, ça te fait du bien, ça soulage. Par contre, pour la peau, faut pas faire ça tout le temps, quoi, parce que sinon ta peau, t'es cramée, quoi. Ouais. Les cheveux, c'est pareil pour le coup. Hein. Les cheveux, c'est pareil, les faire à lisser, là, qui sont à 180 et des bananes. Si tu restes longtemps, en fait, ton cheveu, il casse. Hein. On a déjà vu tous des vidéos où des gens, ils se lissent les cheveux et que la mèche de cheveux, en fait, pouf, elle tombe avec le fer. C'est très con. Oui, c'est vrai. Ah, de toute façon, les fers à lisser. C'est une catastrophe pour les cheveux. C'est notif. Pour les cheveux, parce que ça les crame. Hein, bah oui, c'est ça. Ça chauffe à 280, je crois. Hein, un truc comme ça. C'est mauvais. On ne veut pas faire de la mauvaise pub pour les fabricants de fer à lisser, mais c'est clair que sur le long terme, ça fait pas du bien aux cheveux. Ouais. Tout ça pour dire que pour se sentir bien, pour avoir un sentiment de bien-être, faut faire attention aussi à sa peau. Ça peut être important pour éviter de se gratter partout, pour éviter d'avoir des rougeurs, pour éviter d'avoir des irritations, et pour avoir une belle peau en fait, parce qu'on aime bien aussi avoir une belle peau. Donc bon, ça peut jouer bien être. Voilà. On va terminer sur ça. Ouais, parce qu'on a tous envie d'avoir une belle peau. Oui, théoriquement, oui. J'aime bien cette idée. Ouais. Non, on va terminer par le quiz qui arrive dans 3 minutes. Quiz donc de cette question avec la possibilité de jouer aussi vous à la maison. Donc on aura Linda contre Audrey, contre Daniel, contre Teddy. Et puis parce que Julien a des petits soucis d'internet, donc je ne sais pas s'il va pouvoir nous rejoindre. Il a bouffé toute sa 4G. Hein. Non mais en fait il a déménagé, mais il n'a pas encore internet parce que c'est un nouvel appart. Voilà. Donc il a fait connexion partagée là, vous savez, sauf que la connexion 4G elle est partie avec le forfait de ce soir. Quoi. Donc ça m'étonnerait qu'il puisse nous rejoindre avant la fin de cette émission. Mais on a DJ Zebra qui est avec nous, Foxy Hierarchy, ont un petit peu de français, un petit peu de riposte, vous pouvez danser à la maison et monter le son s'il n'y a pas de voisin autour de vous. Foxy Hierarchy de DJ Zebra sur Indestar dans cette émission à la maison avant le quiz pour terminer l'émission de ce soir. Vivez le confinement avec nous sur Indestar, c'est l'émission à la maison. Elle fait du bien ce bootleg, hein. DJ Zebra, Foxy Hierarchy avec Stupéflip. J'adore. En featuring, oui, pour terminer cette émission, on a le quiz et en plus on a Jolan qui est revenu. Ça y est, la connexion 4G fonctionne. On a un perdant, pardon. Quiz... De quoi t'es dit ? Bah, on a un perdant. Ah, on a un perdant. Ne vendons pas l'ours avant. Non, j'ai perdu un... la semaine dernière. Oui, mais il n'y avait pas Jolan. C'est vrai. Si, si, il y avait Jolan. Ah. J'ai battu Jolan. Voilà. Est-ce que Teddy, tu as présent... Oui, évidemment, tu as préparé l'ardoise pour savoir qui de Jolan, de Linda, d'Audrey ou de Daniel ou de toi vont perdre ce soir ou vont gagner. À la maison, évidemment, vous pouvez jouer aussi. Il y a 7 questions. À chaque fois, il y a 3 réponses possibles. Mais une seule est bonne parmi ces 3 propositions. À vous de choisir la bonne pour obtenir le maximum de points et ainsi monter sur le podium et battre nos animateurs préférés de l'équipe, n'est-ce pas? Évidemment, le thème de la soirée, c'est le bien-être, puisque c'était le thème de l'émission. Alors, il y a bien-être en tout. Est-ce que vous êtes prêts, les amis, pour la première question? Oui, oui. Yes. Non. Alors, on va attendre que Daniel soit prêt. Bon, allez, si, j'y suis. Ah non, mais moi, je peux attendre très longtemps comme ça. Il n'y a pas de soucis, je suis pas pressé. Non, mais on va pas faire attendre les auditeurs quand même. Ouais, il est que 23h. Oh, ouais, on est en avance. Numéro 1. Alors, je dirais pas en avance, mais c'est vrai qu'on n'est pas trop en retard. Pour nous. Après un exercice physique, le poids perdu correspond à de la graisse, de l'eau ou du muscle. Donc après un exercice physique, on perd du poids. Ça dépend si c'est Théo qui le fait ou pas. Ça dépend. En même temps, il n'a pas beaucoup de graisse en même temps. Oh, ah bah si, la prof, je fais un régime, c'est pour perdre de la graisse. Mais tu plaisantes, tu fais un régime. Mais oui, je fais un régime. Ah, t'as pas suivi l'émission depuis début janvier? Non, je l'ai pas suivi. J'en parle comme Teddy parle de sa boulangerie, en fait. À chaque fois, je pense que je suis toujours en période régime. Tu fais quoi, un régime tablette de chocolat? Voilà, un régime un pancake peu, Nutella. Un régime surtout réduction d'un peu des abus. Et ça fait longtemps que je me suis pas repesé là, mais le premier objectif avait été atteint. J'avais perdu 2 kilos. Je voulais arriver à moins 4 kilos. Donc voilà, je pense qu'on est plutôt pas mal. Et attention, pas perdre les os, hein, surtout. Hein. De pas perdre les os. Ça devrait aller. Alors, après un exercice physique, le poids perdu correspond à de la graisse, de l'eau ou du muscle. Linda, tu dirais quoi? Moi, je dirais de l'eau, mais sans conviction. D'accord. Est-ce que Audrey a plus de conviction sur l'eau? Je suis Linda sur l'eau. Ok. Sur l'eau, elle prend le bateau. Ouais. Pas. Voilà. Bon. Ton micro te censure quand tu fais des conneries, c'est magique. Tu peux répéter les questions, s'il te plaît? Alors, les questions ou les réponses? Les questions. La question. Donc après un après un exercice physique, le poids perdu, est-ce qu'il correspond à de la graisse? Est-ce que tu perds de la graisse quand tu fais un exercice physique, de l'eau ou du muscle? Dans la logique des choses, je dirais de la graisse. Ok. Daniel, tu dirais quoi? Moi, je vais marcher sur l'eau. Il y en a qui ont essayé avant, ils y sont arrivés en plus, c'est pareil. C'est pour ça, je vais Teddy, tu dirais quoi? Avant de répondre à cette question, je tiens à faire une déclaration d'amour à Jolan. J'admire ta façon d'être logique. De prendre le contre-pied. Oui. Je sais pas comment tu fais, Jolan. C'est un don que je n'ai pas. Comment tu fais? Explique-moi. C'est l'eau. Tu perds de l'eau d'abord. Il a raison de prendre le contre-pied aussi. Bah non. Parce que c'est l'eau que tu perds en premier et après tu perds de la graisse. Et des muscles, t'en perds pas en théorie parce que. Il y a toujours quelqu'un qui va à l'encontre des autres. Oui. Laisse le faire. Mais pourquoi, Jolan? C'est un don chez lui. C'est vraiment payant. C'est souvent dans la vie, on te dit oui, ne suis pas forcément les autres, ne sois pas un mouton, etc. Et pour le cas de Jolan, effectivement, c'est rarement payant. Et ça sera pas payant plus cette fois-ci. Parce qu'effectivement, on perd d'abord de l'eau. Alors, la graisse, ça vient après, à force de séance, etc. Mais un seul exercice physique, ça modifie pas significativement la masse grasse ou musculaire, en fait. Surtout, tu transpires, donc la sueur qui étant essentiellement composée d'eau et qui sert à abaisser ta température corporelle, c'est ça que tu vas plus perdre. Donc du coup, tu perds de l'eau et après tu vas prendre une douche pour enlever la sueur que tu viens de produire. Mais je t'admire quand même, Jolan. Oui. On admire tous Jolan, mais on le suit pas forcément, mais on l'admire. Bon, que soit la suite. Attention, deuxième question. Les mycotoxines sont des molécules potentiellement toxiques pour l'homme et l'animal. On peut en retrouver par exemple dans les céréales. Mais quel type d'organismes les produisent? Est-ce que ce sont des plantes, des champignons ou des bactéries? C'est écrit dans le nom, hein. C'est... On dit rien, on dit rien. Audrey, on révèle pas, sinon... Hop, on te coupe le micro. Jolane, est-ce que tu dirais que ce sont des plantes, des champignons, des bactéries que l'on retrouve dans... Teddy, j'ai envie de te dire ta gueule parce que tu m'énerves à rire, là. C'est ainsi qu'il rit, comme une hyène. Il rit comme une hyène, c'est vrai. Jolane, t'as intérêt à donner la bonne réponse, alors. Juste le mot. Les mycotoxines. Pardon. Jolane, tu pourras me dire chais si tu trouves la bonne réponse. Ça serait les champignons pour Jolane. Est-ce que vous allez suivre Jolane ou pas? Je vais demander à Daniel. Alors attends, j'ai une petite question, moi. Oui. Il n'y a qu'une bonne réponse dans... Il n'y a qu'une seule bonne réponse, oui, tout à fait. Dis donc, pour nous arranger, pour une fois, tu pourrais pas mettre trois bonnes réponses. Je pourrais le faire une fois, mais pas là. Non, je vais faire le mouton, je vais suivre Jolane. Mm-hmm. Teddy. Jolane, tu pourras me dire chais, mais oui, c'est champignons, je suis. T'as l'air convaincu. Oui. On va demander à Audrey. Bah oui, les champignons, mycos, terme champignons. Linda. Évidemment, champignons, du coup. Ah oui, effectivement. Mycos, parce que le mot mycotoxine, ça vient du grec mycos, qui d'ailleurs n'a rien à voir avec l'île de Mykonos, hein, qui est d'ailleurs aussi en Grèce. Mais non, ça veut dire les champignons et la mycologie, l'étude des champignons, tout ça. Voilà, et toxine, le toxicum, qui est le poison. Donc voilà, évidemment, c'est pas très bon, les mycotoxines, et ce sont des champignons. Attends, donc tout le monde avait la bonne réponse, là? Oui. Non, c'est pas des champignons, c'est des toxines élaborées par des champignons. Oui, c'est ça. N'est-ce pas? Que signifie RPS? Ah, je connais RPS. Est-ce que ça veut dire radio pirate socialiste, risques psychosociaux ou risques professionnels des salariés? Le signe RPS, est-ce que ça désigne radio pirate socialiste, risque psychosociaux ou risque professionnel des salariés? Je vais demander à Linda. Je dirais la B, mais sans conviction, encore une fois. D'accord. Teddy. Ah, je connais les FPS, c'est un jeu. C'est... Non, les c'est FPS, c'est les fréquences par minute, par seconde. Ouais, c'est ça. Bah, ouais, c'est forcément la B, alors. Mais là, c'est RPS. Hein. Ouais, mais c'est la B. D'accord, je vois pas le rapport, mais ok. Mais si, il y a un rapport. Je valide ta réponse. N'importe quoi. Je vais demander à Audrey. Tout pareil, les risques psychosociaux. Ok, je vais demander à Daniel. Alors moi, j'aime beaucoup la radio pirate. Ouais, elle est trop mais bien. Mais le problème, c'est que ce sont les risques psychosociaux. Ok, Jolane. Bah, je suis aussi, ça paraît logique. Tu suis... Tout à l'heure, ça paraissait pas logique. Ça paraissait logique, mais j'ai eu une mauvaise réponse. Les salariés suivent la même logique. Hein, aussi. Non, mais... Oui, non, non. Oh, mais il n'y a pas de risque professionnel pour les salariés. On ne sait pas. Peut-être, oui. Mais la bonne réponse, c'était effectivement les risques psychosociaux, troubles de la concentration, du sommeil... Les TMS. Les nervosinés, etc., les palpitations... donc vous avez tous la bonne réponse. Oh là là, c'est trop facile comme quiz. Ouais. Quelle méthode de relaxation n'existe pas? Est-ce que c'est le training autogène? Quoi? Est-ce que c'est... Quoi? Alors, suivez bien. Le training autogène, le biofeedback ou la respiration du soleil? Donc, quelle méthode de relaxation n'existe pas? Est-ce que c'est le training autogène, le biofeedback ou la respiration du soleil, à ton avis, Jolane? Pardon. Oh non, putain, tu m'as pas laissé le temps de réfléchir. Pourquoi à chaque fois que je dis Jolane, t'es dit, tu rigoles? Non, là, c'est pas chiant. En fait, ça devient pavlovien comme réflexe. Mais oui, totalement. Pavlovien, ça vient de la Pavlova? Ça doit être ça, ouais. Alors, j'y dirais la première réponse. Qui était donc le training autogène. Ouais. Teddy, qui rigole, qu'est-ce qu'il dit? Alors, par définition, je dirais pas comme Jolane, mais bon. T'as une chance sur trois. Ouais. Oh putain! La respiration du soleil, la 2. Le biofeedback, ok. Et je vais demander à Linda. Moi, je vais faire comme Jolane, j'aime pas trop le premier en fait. Le training autogène, ok. Ouais, il m'inspire pas. Audrey. Eh ben, moi j'ai. Ben, passe à Daniel parce que j'ai la réponse. J'en ai fait un en cours. D'accord, Daniel. En fait, c'est quoi la question ? J'ai pas fait attention. Personne n'écoute dans cette émission. Monde, c'est vrai, personne n'écoute dans cette émission. Oh. Preuve. Quelle méthode de relaxation n'existe pas ? Est-ce que c'est le training autogène, le biofeedback ou la respiration du soleil ? Ah, la première. Le training autogène. Ok, ouais. Je vais donc poser la question à Audrey. Ouais, parce que... Biofeedback, c'est en bon français, c'est du rétrocontrôle biologique, donc c'est la mesure des fonctions organiques. Oui, ah. Et donc c'est pas une technique de relaxation. C'est une mesure de fonction organique. Et ben si. Ça c'est pas une technique. Alors attends, je vais expliquer. Mais si, c'était pas la bonne réponse, parce que la bonne réponse était la respiration du soleil qui n'existe pas. Alors il existe la respiration de la lune. Attention, il y a un piège. Oula. Mais la respiration de la lune, ça consiste à s'endormir en se bouchant les narines. Oui, non, la luge, ça va, c'est quand tu fais du ski, ça, c'est quand t'es un super baisse. Non, la respiration de la lune, c'est tu t'endors en bouchant une narine, puis l'autre, en fait, jusqu'à rejoindre Morphée. Il paraît que ça marche. Mais la respiration du soleil n'existait pas. Contrairement Attends, je viens de le googler, respiration du soleil, il vient de me dire exactement l'inverse. Quoi ? Surya Bandhema Piryama, en sanskrit, Surya veut dire soleil. Et alors ? Dans cet exercice de respiration pratiqué pendant le yoga, le Suryananandi peut aussi être utilisé en technique de relaxation. On respire en bloquant sa narine droite avec le pouce et on expire en bloquant sa narine gauche avec l'index. Ils m'ont dit que c'était la respiration de la lune. Bah, tu sais pas googler, hein, je suis désolée. Mais... C'est pas googler. Nouveau verbe, googler. Le biofeedback, c'est le rétrocontrôle biologique, c'est l'ensemble des mesures des fonctions organiques. Il n'y a rien de relaxant là-dedans. Si, alors j'y viens, je vais commencer par le training. Et tu sais pas googler, c'est pas de ma faute, c'est vrai. Donc le training autogène, c'est une sorte d'auto-hypnose où on fait en fait le tour de son corps avant de s'endormir en se disant des trucs du genre « Oui, je suis tout à fait calme, je reçois du bien au niveau de mon nez, de ma gorge, etc. » Et du coup, on s'endort bien ou on se détend en tout cas. Donc ça existait. Et le biofeedback, c'est le fait de visualiser sur une machine en fait, ce qui nous tend et ce qui nous détend. Donc, on va faire un exemple. Audrey, essaye de faire la machine. Genre, de là. Vas-y. Non. Comment tu fais une machine ? Voilà. Tu fais hyper bien la machine, Daniel. Non, il fait bien la machine. C'était mon rêve. Faire la machine. De quoi ? Teddy, prononce le nom de l'artiste et du titre qui arrive. Anafri. Non. Télégraphe, Broken Bones. Voilà, donc tu vois la prononciation, ça me tend parce que c'était mal prononcé. Donc là, Daniel, tu peux faire la machine qui s'emballe. Voilà. Mais c'est pas une technique de relaxation, Sayan. Parce que justement, avec ça, non, mais c'est vraiment. Enfin, j'ai lu tout un article là-dessus. Ce que je ne connaissais pas, hein, je vais être honnête, je ne connaissais pas. Mais justement, en analysant ce qui te tend et ce qui te détend, ça peut te permettre en fait de savoir justement ce qui va te détendre et ainsi te relaxer avec ce qui te détend. Voilà, mais c'est vraiment effectivement matériel, c'est-à-dire que tu analyses en fait par rapport à un certain nombre de situations ce qui peut te tendre, ce qui fait du bien à ton système cardiaque en gros et ce qui fait du mal. Oui, mais c'est pas une technique, c'est de l'analyse. C'est une méthode de relaxation. Alors, ça fait partie des méthodes de relaxation qui existent et qui n'existent pas. Non, mais je suis désolée, ça ne fonctionne pas. Il y a eu un truc sur des youtubeurs qui font des vidéos carrément pour ça en fait. C'est stressant en vrai, hein. Moi j'aimerais pas, hein, franchement. Bah parce que t'as la machine qui intervient en fond, c'est ça, non ? Ouais, mais ça doit pas. Ouais, mais par exemple, j'en sais rien, du papier qui se découpe ou des bulles qui s'éclatent. Ah, ça s'appelle de l'ASMR. Ouais, Autonome Sensitive Response Meridian. Non, Autonome Sensitive Meridian Response. C'est de l'ASMR. Ça fait très longtemps que ça existe, l'ASMR, qu'on entend parler, en tout cas. Oui. Ça fait une dizaine, quinzaine d'années, mais c'est très à la mode, ouais, de faire. Moi, j'avoue, j'aime bien. Ouais, t'aimes bien, ouais. Bah, c'est doux, c'est éclater des bulles de trucs, ouais. Ça dépend. Ah, je suis pas fan. Oui. Teddy, Oui. Tu mets moins un point à Audrey pour contestation. Ouais, bah non. Non, en fait, je l'ai. Bah non, parce qu'elle a mis la même réponse que moi, donc j'attendais qu'elle ait raison, moi. La respiration du soleil, en fait, j'ai vu que la respiration de la lune existait, et je t'avoue que j'ai pas googlé la respiration du soleil parce que je me suis dit, allez, on va l'inventer, tu vois. Mais bah, ça existe. Ça existe déjà. Donc, de toute manière, on a tous faux sur cette question. Cette question parce qu'elle était nulle, du coup. On va pas la de toute manière, on a tous faux en théorie. Tout le monde faux, oui. Bah, oui. Même Théo a faux. Toutes les techniques existaient. Ah oui, parce que personne n'a. Bah ouais. Donc en fait, tout le monde a faux, même celui qui pose les questions. Du coup, j'ai regardé le training autogène, ça a été inventé par un docteur allemand. Ok. C'est le seul qu'on n'avait pas de doute, Jolan. Il s'appelait Derek. Voilà. Allez, attention, cinquième question. Les taches blanches que l'on a sur les ongles, qu'on peut avoir sur les ongles, sont le signe d'un manque de calcium, comme la chaux qui est utilisée pour les murs d'une maison ancienne, d'un manque de zinc, comme les gouttières de la dite maison, ou que tu vas devenir un mutant, et ça commence par les ongles, et après c'est le reste qui suit. Mais bien sûr. Aha, aha, aha. Linda. Oui, bah moi je vais répondre A, mais voilà. Ça serait un manque de calcium. Oui, je pense. Je vais poser la question à une autre fille de l'équipe, Daniel. Alors, moi, j'aurais bien répondu mutant, parce que je suis en train de modifier, je deviens une fille. Mais comme je suis aussi en manque de calcium, je dirais bien la A. D'accord. Est-ce que Audrey, tu suis ou pas? Pour moi, il n'y a aucune des réponses proposées qui est bonne, mais du pareil. Coup... Bah, moi aussi. Google pas, attention. Mais je Google pas, Théo. Enfin... Ça... Oui, pardon. Non. Petite respiration, expiration. Action, je Google pas. Pour moi, il n'y a aucune de ces réponses qui sont vraies. Voilà. D'accord. Mais si tu devais en choisir une? Celui qu'on a le plus cru depuis les années 1900, c'est-à-dire à l'époque où t'es né, le calcium, on va dire. D'accord. Jolan. Bah, je vais mettre là aussi. Ok. Mais... À qui j'ai pas demandé Teddy? La A, comme ça, on a tous faux au pire. Bon, bah, vous avez tous faux. Mince. Bah, bon. C'était pas. Non, le calcium, effectivement, c'est dans les. C'est un on dit. Ouais. C'est un on-dit. Mais non, souvent, c'est un manque de zinc ou de fer. Non. En fait, non. Ou un déficit en protéines, voire parfois un excès de calcium. Non. Non, les taches blanches sur les ongles, c'est dû à des micro-chocs sur les cuticules. Ça n'a rien à voir avec ton calcium. Tu peux avoir un choc que tu as reçu sur les ongles, oui. Mais ça peut être aussi un manque de zinc ou de fer. Je t'enverrai mes sources. Mes sources, ouais. Journal des femmes et Terra Femina, ouais. Ah, j'ai pas vérifié sur toutes les sources de l'internet, mais en fait, pas du calcium. T'as pas eu le temps, contrairement au on dit, parce que oui, souvent on pense au calcium. Bon, c'est pas un mutant non plus, ça c'est sûr. Non. Mais enfin voilà, pour ce qui a été dit, ça peut être un manque de zinc ou de fer, ou un déficit en protéines, ou un excès de calcium, parce que ça peut être ça peut être un excès de calcium, mais pas un manque de calcium en tout cas. Du coup, ou un choc reçu sur les ongles à plus ou moins long terme. Petite question pour les membres de l'équipe, est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui en a 5 sur 5 doigts, enfin sur une main, quoi? Non. Non. Ça arrive des fois. J'ai 5 doigts sur une main. Ça, jusqu'à là, c'est normal. J'ai pas de taches blanches sur les 5 ongles, non. Parce que moi, j'en ai qu'un seul, en fait, sur le pouce, c'est tout. Oui, bah ça dépend en fait. Bah, ça dépend de ce que tu fais et de comment tu l'utilises. Ouais, et puis de comment ça évolue, parce qu'en fait c'est pas forcément. Des fois tu peux ne plus en avoir plus. Voilà, c'est selon. Ouais. Attention, on est déjà à l'avant-dernière question. Que signifie SST? Est-ce que ça signifie service de santé au travail? Starship Trooper? Oui. Ah. Oui. Ou sauveteur secouriste du travail. Alors bizarrement, j'ai l'impression qu'il y en a un intrus, mais peut-être que je me trompe. Peut-être que c'est un piège, sait-on jamais. J'ai posé la question à Daniel. Service de santé au travail, Starship Troopers ou sauveteur secouriste du travail? Ben c'est compliqué, ça pourrait être les trois. Hein. Ça pourrait être. Non, c'est sauveteur secouriste du travail, allez. Ok, Jolan. Pareil. Ok, Teddy. C'est la 3 qu'ils ont dit? Ouais. Ah bah, je dis la 3 aussi. Ok. Non, c'est parce que... Non, mais attendez, attendez. Je m'explique. Moi, je voulais dire la 3. Ce problème, c'est que leur... je sais plus quelle était leur réponse, si c'était la 1 ou la 3 qui disait. Donc, Le choriste du travail. Bah ouais, bah voilà. Mais moi, c'était la 3 que je voulais. Donc, je voulais savoir si eux, ils avaient dit la même chose que moi, pour le coup. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Non, je sais pas. On va l'entendre de cette façon-là. Audrey. Eh oui, sauveteur, c'est choriste du travail. Linda. Moi aussi, ça sera la C. D'accord. Tout le monde est d'accord sur la même réponse. C'est étrange. Et c'était la bonne réponse. Donc, c'est pas le service du travail, parce que ça regroupe aussi bien des médecins que des infirmiers du travail. Et donc, c'est pas sous ce sigle-là. C'est pas Starship Troopers, qui est un film de science-fiction de 97. C'est effectivement Sauveteurs Secouristes du Travail. Donc, en fait, ce sont des salariés qui sont formés aux gestes de premier secours dans les entreprises. Qui est aussi un film de science-fiction de 2000. De quoi, sauveteur, secouriste du travail? Ah oui, parce qu'on a du mal à les voir. Les pauvres, ils ont beaucoup de travail, c'est des fois difficile. Exactement. Alors, ça peut être un peu de la fiction, des fois. Attention, dernière question. La sablinothérapie, ça consiste à te souffler du sable à haute pression sur le corps, tel un karcher, pour faire la vache. Oh, le son. C'est dommage. C'est pas du gommage, c'est du décapage. Exactement. Pour faire de toi un être en osmose complète avec toi-même. Est-ce que c'est totalement faux? Est-ce que c'est totalement vrai? Ou est-ce que j'exagère vraiment dans la méthode employée? C'est quoi la réponse? Jolan, qu'est-ce que t'en penses? Attends, est-ce que tu peux répéter? Parce que j'ai pas tout compris. Et de quoi, la question? Oui, la question, pardon. La sablinothérapie, ça consiste à te souffler du sable à haute pression sur le corps tel un karcher, pour t'enlever les résidus et détendre tes muscles pour faire de toi un être en osmose complète avec toi-même. Est-ce que c'est totalement faux, totalement vrai, ou j'exagère vraiment dans la méthode employée? C'est totalement faux. Pour toi, c'est totalement faux. Ouais. D'accord. Teddy. Est-ce qu'il n'y aurait pas un con qui s'amuserait à s'asperger de sable, mais légèrement? Est-ce que t'aurais pas genre trop abusé en disant qu'il perd sa peau, ses muscles? Est-ce que ça pourrait pas arriver? Franchement. Allez, vas-y. T'as trop exagéré. J'ai trop exagéré dans la méthode employée. Ouais. Audrey. J'ai envie de dire c'est complètement faux, et en même temps, est-ce que tu confonds pas ça avec un gommage? Et du coup, tu serais parti en cahouette tout seul, tu vois. Et là, ça s'appelle la sablinothérapie. Mais ça n'existe pas. Ouais, je peux dire que... Bon, j'ai pas confiance en toi, putain. Je veux dire que ça n'existe pas, parce que... Mais bon, comme tu sais pas lire, comme tu sais pas googler, je suis pas très sûr. Ouais. Ok, totalement faux pour Audrey, on valide. Linda. Je vais suivre Teddy, parce qu'en vrai, j'ai de la folie comme lui, et je suis un petit... J'aime bien, ça me fait marrer, en fait. Ouais. Mais en vrai, t'abuses. Voilà. T'abuses sur le principe. Oh, c'est exagéré, quand même. Ok, Daniel. Alors moi, comme je suis complètement fêlé, je vais dire que tu as complètement raison. Ah, bien, les trois vraies réponses comme ça. Non, mais en fait, non, c'était totalement faux. Ah, merde, quand même. Alors, mais tu sais, j'ai eu un moment de doute en me disant, vu qu'il y connaît rien, il a confondu avec le gommage, et du coup, c'est moitié vrai, tu vois. On le fait, le sable, mais sur les objets, genre sur le fer, ça, on appelle ça du sablage. Sablé, ah oui voilà. Mais on n'a pas encore testé. D'accord. Alors, j'espère que non. Ou alors ça s'appelle de la torture. Alors je vais quand même vous raconter une expérience, parce que dans un des emplois que j'ai occupé, je faisais de la maintenance de micro-sableuses, mais vraiment de micro-micro-sableuses, qui projetaient des grains fins, c'était micrométré, hein, à une pression qui était déjà... Allez, un bar, c'est la pression terrestre. Je crois qu'on était à un bar au-dessus, donc à deux bars. Ouais. Hein? Et bah, juste sur la peau, sur la partie cornée de la peau, et bah, ça faisait pas long feu et on avait très vite mal. Tu m'étonnes. T'avais plus de peau. Après, tu ressens des trucs. Ah bah, t'es nettoyé. Tu dois pas être détendu. Non, t'es pas détendu après. Ça faisait horriblement mal. Par contre, tu deviens un criminel. T'as plus d'empreinte digitale. Ah ouais. Et tu peux braquer une banque. Tu deviens pas un criminel. Tu deviens un vendu. Bah non, t'as plus d'empreinte digitale. C'est ouais, tout. Bah, t'as plus rien. Ouais. Ok. Qu'est-ce que ça donne au niveau des scores, Teddy? Alors, au niveau des scores, Jolan. Heureusement que t'as marqué un point sur la dernière question, parce que sinon tu finissais dernier. Oula. Ah donc tu ne termines pas dernier, Jolan. Non, du coup, il finit deuxième. Il est fini deuxième. Ah oui. Par contre, deuxième à égalité avec tout le monde. Ah. Oui. Sauf donc, Audrey. Premier. Sauf Audrey qui est première. Audrey, d'accord, elle a 5 points et tout le monde a 4 points. De quoi ? Oui. Oui. Oui, ça, combien de bonnes réponses pour Audrey ? Alors, que je me répète. Audrey a sort du lot, elle a 5 points et sinon tous les autres ont 4 points. Comme je Ce qui est pas mal, hein. 4 ouais. points sur 7, ça, c'est déjà pas dégueu. De la moyenne. C'est pas dégueu. Ah, moyenne, on a le max, c'est bon. Oh, yes. Vous passez à la classe supérieure, vous avez le droit de revenir vendredi. Voilà. Et d'ailleurs, vendredi, nous recevrons en invité Jordan Olympus. Alors, rien à voir avec ceux qui font les appareils photo. Jordan Olympus, il fait de la musique. C'est... Ouais, non, mais je fais cette blague maintenant. Oui, là, ouais. On va la refaire vendredi. Tu la feras pas vendredi, ouais. Voilà. On va faire comme ça. Jordan Olympus. Et si t'as envie de la faire, on te rappellera qu'il faut pas la faire. Oui, voilà. En pleine émission, tu sais, devant lui. Ça fera tellement plaisir. Surtout qu'on lui a pas fait 10 000 fois à l'école, j'imagine. Et puis d'ici là, d'ici vendredi, il y a plein de bonnes musiques à écouter sur Indestar et à découvrir, des originales, des reprises, des bootlegs, et cette émission que vous pouvez réécouter dès demain en podcast, alors au moment que vous voulez, peut-être au boulot, pour vous détendre le soir, si vous avez envie de la réécouter toute la semaine. Eh bien, vous pouvez le faire grâce à une vingtaine d'applications et le site internet indestar.fr où sera disponible cette émission. D'ici là, je parlais de musique. On aura la reprise de Thorn avec Sandvik dans un instant. Il y aura Amina Winehouse avec Bros et French Manson avec Will I Touch Your Back. Et on commence avec Telegraph. Le titre s'appelle... Broken Bones. Attends, il arrive. Broken Bones sur Indestar. Bonne soirée. Bonne soirée, salut. Vos émissions préférées où vous le voulez, quand vous le voulez, avec les podcasts Indestar. Dispo sur indestar.fr et toutes les plateformes internet.